Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. Ce soir, je reçois l'instigateur de nombre de podcasts. Il est papa, fan de Terry Pratchett, je lui taxerai sa collection un jour, et c'est aussi la moitié d'un duo fratricide. Nous sommes le 27 mai 2016 et c'est la playlist d'Arnaud Doucet. Bonsoir. Comment ça va ? Bah bien, et toi ? Il est un petit peu tard quand même. Oh, ça va aller. Grosse semaine de nul avec plein de gens qui bloquent plein de choses. Ouais, mais c'était fun. Le chaos ambiant, c'est vrai que ça, c'est fun. Celui qui sait où il veut aller dans le chaos arrive toujours où il veut. Faut que tu me dises d'où ça vient. Ah, putain. Je n'ai pas la référence. Ah, c'est un film, mais je ne sais plus lequel. Oh non ! Non, pas un instant Wikipédia au bout de 5 minutes. non, quand même pas. Les gens, cherchez les gens. Oui, cherchez. Vous repassez l'enregistrement au début, puis vous nous direz à la fin ce que c'est. Exactement. C'est facile de pouvoir combiner. Donc, tu es prêt à passer sur le grill de la playlist et surtout, tu es prêt à pouvoir avoir honte à la fin ? C'est bon, la honte. Bon, la honte. Je sais pas. Enfin, là, on va la manger par les oreilles. Bon, on va commencer par du... Ah, tiens, c'est un peu bizarre. Parce que pour la playlist de notre invité précédent, Matt, on a écouté des choses qui bougent du boule et... Avec Arnaud, je pense qu'on va bouger des abdos. On va s'écouter Black Eyed Peas, Pump It, de 2005 sur l'album Monkey Business. You said the Black Eyed Peas were gonna be here. C'est pas la YouTube, hein. Ouais. Cette intro là qui reprend le break qui avait été révélé par Tarantino dans la BO de Pulp Fiction. Malheureusement pour toi ou pour moi ou je ne sais pas, moi j'associe toujours ça à Taxi. C'est horrible. Ah putain, mais pas moi, non, moi c'est Pulp Fiction. Alors, comment t'as connu, comment tu as écouté, comment tu as aimé ce truc ? Eh bah parce que les Black Eyed Peas, je les connaissais depuis beaucoup, un album, deux ou quatre, trois albums avant, dans les années 80, quand ils étaient plutôt dans une mouvance type Afrika Bambaataa. Et donc voilà, j'avais bien aimé l'album qu'ils avaient fait avant Monkey Business, qui avait plein de petites pistes. Et puis ils sortent Monkey Business et il y a cette piste, la Pump It, qui reprend du Tarantino, enfin qui sample un morceau qui était sur une BO de Tarantino, pardon. Et ce truc m'a juste une patate de ouf, quoi. Moi, quand j'entends ça, là, je bouge, quoi. Je suis déjà en train de danser comme un ouf, quoi. Moi, j'adore. C'est juste... Ça t'amène une énergie de ouf, quoi. C'est ça que j'aime bien dans ce morceau. Les Black Eyed Peas, avec cet album, atteignent un sommet de fun, d'énergie, de trucs qui donnent la patate et la bonne humeur, quoi. Tu démarres avec ça le matin, ça défonce, quoi. Et pourtant, ils ont légèrement baissé le tempo, ils ont légèrement modifié le tempo du sample original. Ouais, mais ça n'empêche pas, il y a un truc avec la boucle derrière de clac là qui passe, qui est, je sais pas, tu vois, et puis cette montée de trompette, pareil, qu'ils ont ressemblé de je ne sais plus où. Enfin, ça fonctionne super bien et tout l'album qui va avec est vraiment... Enfin, je te dis, c'est juste la bonne énergie, tu mets ça le matin et puis boum boum boum, tu débarques, quoi. J'adore. Et je les trouve... Et c'est vraiment... Et je suis vraiment tombé dessus par hasard, parce que c'est avec cet album-là, ils étaient quand même repassés en mode MTV un peu, si je peux dire. Et moi, je les écoutais plus vraiment depuis pas mal d'années, puisque moi, j'étais resté à deux ou trois albums avant, au moins, puisqu'ils ont eu un gros passage à vide. Et j'étais plus, moi, sur l'époque, Afrika Bambaataa, mais on en reparlera un peu plus tard. Oh mon dieu, mais non, quel happening total, quel teasing de fou. Eh, c'est du métier, mon bon monsieur. Podcasteur professionnel, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas moi qui vais monter sur scène le 25. Je ne monterai pas sur scène, faut pas déconner. Mais alors, fan de ce genre de musique qui bouge, ou c'est vraiment juste le seul groupe qui t'a plu dans ce genre? Contrairement à pas mal des gens qui sont venus dans la playlist avant, que ce soit Polynaire, de Matt ou même Kikrine, moi j'ai pas ma culture musicale, elle est totalement catastrophique et embryonnaire, dans le sens où je peux écouter des trucs, mais je vais pas les retenir. Je vais adorer le morceau, mais je vais être incapable de le retrouver parce que je vais zapper le nom de l'auteur, parce que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. Et du coup, moi, c'est vraiment... Pour qu'un morceau reste gravé, il faut vraiment qu'à un moment ou un autre, très souvent, il est corrélé aussi avec un moment où je l'ai entendu. Et où bah, ça m'a donné la patate, ça m'a donné à réfléchir d'une manière très très large. Hein. C'est un peu métaphysique, mais c'est vraiment comme ça que moi, la musique, je la vois et je l'apprécie. Et c'est comme ça que finalement, je la retiens. Avec mon très cher frère, nous avons grandi au son des Stones, des Who... Du bon vieux rock des années 60 parce qu'on avait un paternel qui était un grand grand fan et qui nous a laissé le manche disque et la pile de 45 tours qu'on a joyeusement défoncé et on en mettait 10-15 avec cette espèce de truc automatique qui les faisait tomber et enchaîner et on pouvait passer des après-midi entre donc un Stone, un Who, il n'y avait pas de Beatles à la maison par contre hein. Oui mais on avait des Chaussettes Noires et des Chats Sauvages monsieur, donc voilà, c'était... C'est ça, tu vois. Et donc, c'est vrai que moi, ma culture musicale, elle est vraiment plus liée. Je me pose rarement pour écouter un album. Je vais l'écouter en faisant autre chose, par exemple. C'est pas une démarche. C'est pareil, j'ai une énorme passion pour l'opéra classique. Le vrai, le Mozart, Beethoven, tous ces gens-là. Avec les grosses dames qui mettent 2 heures. Voilà, mais moi, je suis. Mais par contre, ça, je suis. Alors là, pour le coup, tu vois, je suis un vrai fan. J'aime le voir. Je n'arrive pas à l'écouter autrement, mais j'adore aller le voir, quoi. Je me suis fait la tétralogie quand il y a quelques années, quand il avait entièrement refait la Cité de la Musique et tout. Enfin, non, mais tu vois, c'est pas une écoute, c'est un moment. C'est plus le moment que l'écoute, même si le moment peut durer 3h30. C'est plus le spectacle, l'ambiance en elle-même, et ouais. Peut-être aussi ce qui se passe sur la scène, que simplement de la musique. Voilà, et du coup, est-ce que va te générer la musique comme sentiment et comme ambiance aussi? Tu vois, on parlait de la Pump It, qui est bon, qui est, faut pas déconner, c'est quand même pas non plus le... même pas un chef-d'œuvre, hein. Mais il y a un truc dedans, il y a un équilibre entre ce que ça balance, ce que ça envoie comme énergie, ce que ça peut évoquer après à certains. Toi, tu parles de Taxi, moi, je parle de Tarantino. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est comme moi, c'est vraiment comme ça que je vois la musique et c'est comme ça que j'ai construit ma playlist pour toi. Oui, et je remarque surtout un étrange lien entre chaque musique et le cinéma. Ouais, mais... Gros cinéphile. Oui, ça, c'est pas une nouveauté, ça, oui. Oui, oui, oui. Ouais, non, il y en a deux... Ah, ouais, si, ouais, ouais, est-ce ouais. Que 2/10, moi, j'appelle ça 3/10, qui sont pas tout à fait... 3/10. Ouais. Ouais, il y en a une, de toute façon, c'est... Il fait un peu plus de 2/3, quand même, c'est déjà mais je suis quelqu'un d'image, et je pense que ça va avec. Après les petits pois noirs... non, les pois à œil noir... Où il fallait pomper, on va aller voir un monsieur au gros chapeau. Ah oui. C'est Patata Yo-Yo. C'est Jamiroquai avec Cosmic Girls en 1996 sur l'album Traveling Without Moving. Monsieur Jamiroquai. Funk, funk et funk. Moi, je sais que c'en est pas, mais attends, écoute ce truc, cet rythme. C'est pareil, tu bouges là. T'es à fond. Ah, j'adore. Putain, c'est... Tu vois, comme le Black Eyed Peas, ça, c'est les mêmes, c'est des morceaux, tu les as entendus. Il m'a fallu au moins 15 écoutes pour savoir qui c'était. Enfin, pas les Black Eyed Peas, mais lui, ouais, bien. Mais j'avais déjà été marqué par... When You Gonna Learn, là, le morceau de l'album d'avant, je crois. Ouais. C'est pareil, j'ai acheté les deux albums. Je les entends régulièrement dans mon shuffle que me fait iTunes. Et Et c'est de la bonne énergie. Alors en plus, il y avait un truc à l'époque qui m'avait vraiment fait kiffer, surtout dans le premier album de Jamiroquai, c'est qu'il y avait un vrai message passé derrière qui me rappelle un peu Diesel and Dust. Diesel and Dust. Oui, c'était le nom de l'album d'un autre groupe australien. Putain, Midnight Oil. Et il y avait eu un. J'aimais moins musicalement Midnight Oil et Jamiroquai. Il y avait une sonorité un peu plus cool, un peu plus bougeant, tu vois. Mais dans le tout premier album, il y avait beaucoup plus de thèmes et d'évocations écologiques, rapport à l'humain, par rapport à son univers, à sa culture, à la planète. Et j'aimais bien ça. Ça m'avait vraiment bien parlé au début. Même si ça m'a fallu du temps pour identifier qui chantait quoi, mais mais voilà, moi ça. Et puis Cosmic Girl. Il y a un côté trip assez fun, quoi. Tu vois, ça pourrait aller avec eux. Tu pourrais mettre ça par-dessus certains épisodes de Cobra, tu sais, certains moments dans Cobra, ça irait parfaitement, je trouve. Ah oui, oui, oui. Ça passe ouais, pas tu mal, vois, ouais. Ou même presque dans certains moments de Capitaine Flamme aussi, mais ça serait moins en adéquation. C'est moins fun. Galaxy ouais, Express. Plus Galaxy Express, ouais. Ouais, ça c'est ouais. Et tu vois, c'est la force de l'évocation qui fait que ça moi j'adhère. C'est peut-être les synthés dans le fond, les sons un peu modifiés qui donnent ce style-là ouais. Un peu. Je crois qu'ils. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils arrivent après le premier album des Daft Punk, et je pense qu'il y a un truc dans l'arrière-fond sonore qui essaye de gratter de ce côté-là. J'ai l'impression, après, ma culture est catastrophique. Daft Punk 97, je crois. Oui, je sais, Wikipédia, je vous emmerde. Mais non. Non, 95. Ouais, ben. 95 ouais. Ah, juste avant, enfin, juste après, je veux dire. Ouais, ben alors c'est l'inverse, tu vois. Cette logique de boucle qui est passée de l'un à l'autre, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. D'ailleurs, je t'ai pas mis Daft Punk. Hein. Mais ça, on ne le saura qu'après. Rétro teasing. Est-ce qu'il est aussi connu pour ses clips, ce mec? Parce que j'ai surtout un clip en tête. Sanity, avec le sol qui bouge. Ah, lui, génial, avec le sol qui bouge. C'est génial. Ça, c'était génial. Mais même celui-là, Cosmic Girl, c'était des mecs qui venaient de faire un album où ils te provoquent. C'est pareil, il y a une provocation indirecte dans le clip de Cosmic Girl. C'était des mecs dont le premier album était When You Gonna Learn, quand est-ce que vous allez vous réagir pour sauver la Terre, machin bidule. Le clip de Cosmic Girl, c'est une course de bagnole. Et puis des gros machins, des gros V12 de kid. Puis des grosses bagnoles, de grosses machins. Hein, ouais, du gros truc de con. Et puis les mecs, ils roulent n'importe comment, mais on voit aucune humanité autour d'eux. Par contre, ils sont au milieu d'une nature, genre au milieu du désert. Ils s'arrêtent à la fin, ils sont entre eux, quoi. Enfin, tu vois, il y a un paradoxe. Et en même temps, ils retombent un peu sur leurs pattes par rapport à ça. Et ça, c'est un côté, après coup, après quelques années, à continuer de les écouter comme ça quand ça revenait, ou quand tu re-regardes les trucs. Tu te dis, il y avait un truc un peu malin dans leur logique, dans leur manière de faire, quoi. Il y avait peut-être un univers un peu plus grand que juste un mec qui voilà, bouge... avec un casque ridicule. D'ailleurs... Des chapeaux, parlons des chapeaux, parce que je suis désolé. Je les ai vus sur scène, ils l'ont changé tout le temps, c'était phénoménal. Comment ça? Bah, ils n'avaient jamais le même, tous les deux, trois morceaux, ils changeaient. L'un avait avec des grandes plumes, avec des cornes, un génial... Et la pochette du best-of qui est sortie en je ne sais plus quelle année, où il y avait une version aluminium ou chrome, planté dans une étale de marée basse, qui est superbe comme pochette d'ailleurs. Ça, je l'ai acheté d'ailleurs celui-ci. Je l'ai acheté, c'est rare. Il est resté superbe. Et c'est marrant parce que tu vois, encore l'intelligence du truc, il te renvoie à l'élément le plus emblématique et en même temps une partie de ce qu'ils a fait connaître, qui est l'espèce de côté nature et tout ça, avec un côté ultra moderne. Enfin, non, c'est des gens qui ont un univers vraiment qui est, à mon avis, moins fort que d'autres, ont pas des Daft Punk ou même d'autres qu'on verra après, mais c'est quand même un groupe qui bouge, qui t'emmène du son, pareil, qui t'envoie de la bonne humeur, des trucs, des bonnes vibes, comme disait une autre époque, une certaine blonde. Les jeunes d'une autre époque. Voilà. Mais il y avait quand même quelque chose derrière de solide. Je pense que c'est pour ça que il y a quand même une partie de leur son et de leur musique qui reste dans l'oreille de tout le monde. Peut-être Jamiroquai High Times. Où tu me dis sur le bord de mer, une ouais, grande coiffe c'est en métal. C'était un greatest hit. Voilà. C'est The Singles 92-2006. Merci Google. Celui-là, il faut le prendre. S'il n'y en a qu'un à prendre, honnêtement, celui-là, il vaut le coup parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. When You Go Alone, Too Young to Die, Blow Your Mind, Emergency on Planet Earth, ouais. Space Cobble, bah oui, Space Cobble, Virtual Insanity, Cosmic Girl, All Right, High Time, Sad Deeper Underground, Can It Eat, aussi, oui, Little L, Love Philosophy, Philosophy, oui, Corner of the Earth, Sophie Just Is Like It Should, Seven Days in Sunny June, Don't Give Hate a Chance, Runaway Radio, ah oui, quand même, Emergency on Planet Earth, hein, des masters, des remixes, des mix. Mm-hmm. 29 titres, quand même. Ouais. C'est pas mal. Non, mais c'est... Après, il y a une belle constance sur l'ensemble. Et, je trouve que j'aime bien moi, quand ça fait cohérent. Alors, tu me dis, c'est des gens. Il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Il y a tout un groupe. Oh là là, il y a tout un groupe derrière. C'est derrière Jimmy Rockway. Le plus connu, c'est Jason Kay, qui est donc le chanteur. Mais il y a. Alors, attends que je ne dise pas de bêtises, Wikipédia, mon ami. C'est ça, c'est Rob Harris à la guitare, Paul Turner à la basse, Derek McKenzie à la batterie, Sola Akinbola aux percussions. Alors, lui, c'est un tueur. C'est quelqu'un, c'est lui qui amène cette part à tous ces éléments de sonorité un peu tribal qu'on a régulièrement, comme je disais, là, dans les espèces de background sonores qu'on a chez Jimmy Rockway. Il y a vraiment beaucoup de la signature qui vient de lui. Matt Johnson au clavier, qui est aussi truc. Après, il y a tout un tas de gens qui sont venus faire des boulots sur les albums ou des fois sur les sur certains morceaux. Par exemple, le didgeridoo, c'est Wallis Buchanan, un Australien qui, pareil, qui est super connu pour ça. Dans When You Gonna Learn, typiquement, là, on entend très bien le didgeridoo. Enfin, voilà, quoi. C'est pas une petite formation, même si elle est surtout. Les gens voient toujours que JK devant, quoi, en général. Comment ils ont fait pour être, entre guillemets, aussi discret derrière cette personne, ce mythe au grand chapeau? C'est ça qui m'étonne le plus. Je pense que, quand on a un peu. Quand tu vois comment fonctionnaient les groupes des années 60. Je pense que dans les années 90, ouais, parce que c'est en 92 qu'ils arrivent comme des oufs. Je pense qu'on est à une époque où c'est pareil, il y a les Pixies, on sort de Nirvana, tous ces groupes-là avec des forces d'identité, des fortes personnalités dedans. Eux, ils se placent d'une autre manière, ils ont un son qui est très travaillé, et je pense que c'est vraiment il y a un choix de gestion de l'identité du groupe qui est fait par le groupe, de ne garder qu'une tête devant et de garder les autres derrière. Parce que c'est peut-être plus simple pour survivre. Tu vois, il y a un jeu. On voit bien ce que ça a donné dans les années 60 avec les Beatles, les Stones ou les Who, dont on s'en certains, nous en reparlerons. mais c'est pour ça, tout à cette époque, il y a plein de groupes dans cette époque qui font que on a moins de chanteurs frontales. Radiohead, par exemple, il y a bien sûr que les gens émergent au bout de 10-15 ans, mais pendant la grosse explosion, t'as une personne en frontale, mais t'as pas tout le groupe. Et je pense que c'est vraiment une espèce de culture du moment et aussi de rejet de ce qui se faisait avant. Enfin, c'est l'impression. Plus mettre en avant une icône en tant que voilà. Telle. Que de, c'est assumer le fait que quand on atteint un certain niveau de notoriété, il faut une tête, mais dire que c'est pas obligé que tout le monde du coup devienne des fous furieux de service, quoi. Alors, t'as parlé de Daft Punk avant. Bah, c'est typique. L'héritage de l'idéologie. Mettre quand même quelqu'un ou quelque chose en avant, mais garder l'icône. Bah eux, ils poussent le truc super loin, quoi. Super loin. Oui. C'est vraiment la logique de la musique avant tout le reste. Et moi, je suis super admiratif. Hein. C'est pareil, les Daft Punk, c'est des gens que j'adore. On n'est pas mis parce que je pensais que c'était quand même... Là, il n'y avait pas besoin... J'ai un rapport moins émotionnel avec les Daft Punk, même si j'adore, qu'avec ceux que j'ai mis là, avec les 10 ou 12 que j'ai mis là. Et voilà, donc c'est... Mais c'est vrai, c'est la même logique. Et puis c'est pareil, c'est encore des groupes de la même époque. Il y a vraiment, je pense, vraiment qu'il y avait une espèce d'envie de se protéger et de faire les choses comme ils en avaient envie. C'est un peu le début de ce qu'on a maintenant avec la génération actuelle, des jeunes, parce qu'on est des vieux, nous. Des jeunes qui sont capables de s'autoproduire grâce aux outils modernes, à Internet et tout ça, et qui du coup font très attention à ce qu'ils produisent, se préservent énormément en termes de créatif. Moi, je trouve ça super cool. Hein. Super cool. Hein. Je préfère encore ça aux dingueries des Who, des Beatles ou même de Nirvana. Hein. C'était une autre époque. Ça fait partie de la culture, mais je pense que c'est pas pareil. Voilà. Vous ne l'avez pas remarqué, mais il vient de me faire une transition 3000. Vous imaginez même pas ce qui se passe. Ce mec est un professionnel, c'est ouf. Parce qu'évidemment, s'il parle de Nirvana, c'est qu'on va parler de Nirvana avec forcément le même titre de l'adolescence de tout le monde, putain. Je pense. Ça s'appelle Like Teen Spirit sur l'album Nevermind en 1991. personne ici qui ne bouge pas sa tête, il est mort. Il n'y a pas que la tête qui bouge là, putain. Voilà. Nirvana, Nevermind, Smells Like Teen Spirit. Nevermind, c'est les gens. Les gens se rendent même pas compte. Ceux qui n'avaient pas entre 14 et. Même pas entre 13 et 18 ans, au moment où Nirvana arrive, ils peuvent se rendre compte de l'énergie, du truc de ouf qu'il y a dans cette musique, mais ils peuvent pas se rendre compte du choc que ça a été. On sortait de cette putain de Hard Rock FM de mes couilles, que j'aime pas particulièrement, et d'un seul coup, t'as un mec qui vient et qui à nouveau retrouve un peu cet esprit justement des années 60 et te crache sa gueule, ses trips, tout ce qu'il ressent. Et toi, tu te dis, mais il est comme moi, mais lui, il fait ça vachement fort, quoi. Et, bah ouais, soit tu prends, soit tu t'aimes pas et tu passes, et puis c'est tout, mais ça a été vraiment, c'était vraiment un gap, c'était de se dire, on peut hurler, on peut crier, on peut être ce qu'on est, et écouter une musique différente, parce qu'à l'époque, honnêtement, s'il y avait vraiment un gap, même par rapport à l'époque, comme je dis, hein, même si Iron Maiden existait déjà, ça a vraiment creusé un écart dans cette espèce de rock dur, réaliste, mais qui gratte fort, là, et qui a une énergie, mais de ouf. Comme tu dis, tu peux pas entendre ça sans avoir envie de bouger tout de suite, ça... Putain, mais c'est... Enfin, c'est Nirvana, quoi. Ah non, mais j'ai vraiment pas de mots, ça, c'est... C'est l'âme. Alors, c'est évidemment ça corrélé avec l'adolescence, avec la non-objectivité absolue. Oui, voilà, parce que j'allais y venir. À l'âme, c'est une musique d'adolescence. Ah, dis pas que tu peux pas l'écouter maintenant sans avoir encore envie de péter un truc, quoi. Et puis, je le vois, les jeunes, là, on parlait des jeunes tout à l'heure, les 20, 21 ans, là, qui découvrent ça, tu sens qu'ils en sortent encore l'énergie. Ils ont pas le même abord, parce que ça, c'est pareil, c'est dans l'inconscient collectif. Mais il y a l'énergie qui est là. Et je répéterai ça toujours, je n'entends pas encore d'équivalent à Nirvana dans les gens les plus modernes. En mode vieux con. En mode vieux con, ça me rappelle une émission. Ah non, mais c'est... C'est vraiment ta période d'adolescence et de la découverte de la musique, ou alors c'était vraiment... Tu avais déjà cette culture musicale de par ton papa et ton frère et un méga tourne-disque, et le fait d'avoir un premier CD comme ça qui arrive... Comme je dis, j'écoutais pas en soi la musique, donc c'est plus tu l'entends dans la radio que t'as, parce que tu mets la radio, parce que toi t'es un radio cassette, un auto-reverse. Vous pouvez enregistrer la radio. Ouais, il pouvait enregistrer la radio. Ça. Et puis elle est auto-reverse, ce qui fait que j'ai pas besoin de retourner les cassettes. De toute façon. Joie. Et ouais, et puis après j'ai eu le CD, le Discman. Mais ça c'est autre chose. Mais ça c'est. Et puis t'as le son, tu l'entends, tu cherches sur le tout début, tu cherches sur énergie, tu passes de radio en radio pour tomber constamment sur le même morceau pour l'entendre, quoi. Et juste, comme je dis, ça crée un trou, puis autour de toi, tout le monde en parle, et puis... c'était vraiment... Il y a eu un phénomène de masse, vraiment, qui m'a sidéré. Et le plus étonnant, alors attention, anecdote qui tue de la mort, c'est que la première fois que j'en ai entendu vraiment parler de ce groupe... Et bah, c'était dans une émission avec Christine Bravo, qui s'appelait Chouchou, qui passait le dimanche, que ma mère regardait en repassant. C'est pas Froufrou ? Froufrou, pardon, pas Chouchou, Froufrou. Et il y avait une chroniqueuse qui était une grand-mère dont le nom m'échappe complètement, et qui avait dit, ça, attention les jeunes, ça arrive des États-Unis, ça s'appelle le grunge, et c'était la première fois, ça voulait dire, ça veut dire petite boule coincée sous les aisselles ou je sais plus quoi, et elle a dit, il y a un groupe qui va vous défoncer, qui va tout passer, c'est Nirvana, vous allez voir. Et c'est la première fois que j'en entendais parler, c'est la première fois que j'entendais le mot grunge, et c'était dans une émission de Christine Bravo un dimanche en fin d'après-midi. Enfin voilà, tu vois, non mais c'était juste, je pense que c'était un dimanche, je sais plus, enfin bon, c'était... Un truc de Christine Bravo entre gonzesses. Voilà, c'était un truc halluciné, et donc le personnage le plus âgé qui te sort ça, bah, tu parles, toi t'es là, tu te dis mais de quoi elle parle, grunge, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas l'internouille à l'époque. Et quand deux jours plus tard, tout le monde commence à dire grunge, Nirvana, tu fais, tu t'écoutes quoi, et tu te prends une putain de baffe quoi. Et pourtant, comme je dis, hein, j'avais plutôt l'habitude de, même si c'était du rockabilly ou du gros rock quand même, parce que quand t'écoutes Paint It Black, ça défonçait quand même déjà bien sa mère. Nirvana, c'est encore autre chose. C'est pareil, Paint It Black. pas le mettre. C'est pareil, ça, c'est une grosse énergie, mais c'est pas le même joueur, tu vois. C'est exactement le même écart que tu as entre Black Eyed Peas, entre le Pump It et Cosmic Girl, que tu as entre Painting Black pour moi et Nirvana. C'est les deux, ça va te donner une énergie, un truc, hein, ça va te passer des choses de ouf, mais ça va pas jouer sur le même registre. Grunge, est-ce que tu as eu aussi ta période de jean troué, cheveux sales, chemise à carreaux? Il n'y a pas de photo pour le prouver. Non, je pense que c'est pareil. Personne ne trouvera de photo pour prouver. Mes armoires. Il y en a une qui avait... je sais qu'il existe une photo où j'ai les cheveux longs, mais c'est tout. Tapez Arnaud Doucet sur Internet, je suis sûr que ça doit se trouver quelque part. Et non, Dieu merci, non, Internet n'existait pas à l'époque. Et voilà. Contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, on retrouvera les conneries que vous avez faites. Nous, non. Ça, c'est un truc, ça, c'est une vraie question, tu vois, que je me pose. D'ailleurs, on parlait de création et tout ça, des gens qui créent des choses en ce moment. Le jour où tu crées une grosse bouse et que tu l'as mise en public sur Internet, tu sais pas ce que ça va devenir. Quoi. Une fois que tu as lâché la bête sur les réseaux, tu sais pas ce que ça va devenir. Ça, c'est un truc... Je suis pressé de voir les conséquences d'ici 15-20 ans parce qu'il y a des gens qui vont avoir des drôles de surprises à mon avis. Ah, mais il y a les casseroles qui vont ressortir à une vitesse phénoménale. Il n'y aura pas besoin d'archivistes pour aller chercher, comme chez Arthur, les casseroles de la télé, je ne sais pas quoi. Là. YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, d'ailleurs, la plus grosse casserole de la télé actuelle, c'est Arthur. Mais bon, passons, ça, c'est autre chose. Ouais, c'est pas gentil. Et puis, il ne fait que du réchauffé. Il fait que de la merde, surtout. Enfin bon, passons la télé, c'est le mal, comme dit Kenton. On va pas faire de pub pour le deuxième invité, s'il te plaît. Je savais même pas qui passait après. Ah non, c'est oui, il l'a déjà fait, oui. Il a déjà fait, il a fait un super, elle était bien, sa playlist, putain. J'avais adoré. Très, très rock, très métal. Hein, ouais, j'avais adoré, j'ai découvert plein de trucs aussi. J'en profite, je voudrais vraiment passer un 1000 milliards de merci à Apollinaire, parce que grâce à elle, j'ai découvert Jael Nomae. Non, sinon, j'écorche le nom, c'est une catastrophe. Alors attends, je vais retrouver son nom. Une des artistes qu'elle a nommée, qui a une musique de ouf. Que depuis j'ai entièrement acheté la filmographie, la discographie, le lapsus. Voilà, c'est ça, Janelle Monae. C'est celle qui a fait Arcandroid, je ne sais pas si tu te souviens, dans sa playlist. Arcandroid by Tightrope. Voilà, cette artiste, elle est génialissime. Voilà, tiens, hop, ça c'est. Allez écouter la playlist d'Apo et allez écouter cet artiste. Un bonus, évidemment. Voilà. On rajoute des titres. Mais non, je ne rajoute pas de titres, je fais de la promo. Et je me fais arnaquer encore. Mais non, attends, ça va. Ah non, il n'y a pas d'arnaque. Je te prends pas pour un fou. Non, du tout. Je ne me ferai plus jamais avoir. Tout comme les Who en live en 1971 sur l'album Who's Next, si je me souviens bien. Ouais, tu te souviens bien. Bah ouais. Bah ouais, non. Transition 3000. Seulement de reconnaître. C'est ça le pire. Mais franchement, les synthés, l'espèce d'orgue là, et à eux, ça leur appartient. C'est la meilleure musique des 70. Et c'est exactement dans la lignée de ce que tu nous disais avant, c'est la différence entre du rock des 90 et du rock 70. Ouais. Ah non, mais c'est. Bon, tu vois, il y a quand même un point commun, tu retrouves cette énergie, cette façon de tout faire exploser, de donner à fond, quoi. Là, dans le lien que je t'avais fait passer, je t'avais envoyé un live. Exprès ouais. Pour ça, parce que Daltrey et Pettausen et sur scène, c'est des trucs de ouf, quoi. Les Who, c'est... tu vois, les Who, eux, par contre, je les avais découverts bien avant. Ça faisait partie des 45 tours qui tournaient quand on était enfant avec le frangin. Mais c'est... tu vois, Et là... Là, les gens comprennent seulement que c'est les experts. Non, mais ils l'ont vu depuis longtemps, je pense, quand même. Ah, mais honnêtement, moi, la première fois que j'ai vu les experts Las Vegas, je les ai pas regardés parce que c'est une série policière de mes couilles de TF1. Hein. Non, j'avais entendu les extraits du générique dans la bande-annonce. Je voulais savoir qui avait pris les Who en générique. Et je suis resté un peu plus longtemps après sur la série. classique, on va dire, comme série. Ouais, c'est un bon, comment on dit, procédural. Du procédural de dimanche après-midi où tu te poses sur la télé. Ouais, surtout dessus, ouais. Ouais, dessus, ouais. Alors sinon, 45 tours, etc., etc., tu n'as jamais eu le manche disque orange nul. Non, nous, Laurent, on avait un Yamaha, un petit Yamaha tout en plastique beige. Et comme je dis, ce qui était génial, c'est que tu pouvais, t'avais les 45 tours, t'en mettais un, t'amorçais, puis l'adaptateur pour mettre les 45 tours, dessus tu pouvais en empiler une dizaine à la suite, ce qui fait que le bras était automatisé, il revenait, clac, un disque tombait et il se repositionnait. Donc oh là là, mais c'est de grand luxe. Ah ouais, on pouvait en écouter du coup, je sais pas moi, ouais, presque pas une heure, aussi, avec un peu de chance, une petite heure de musique. Hein. Tu veux dire que déjà à l'époque tu avais une playlist? Ah, c'est Laurent qui les faisait déjà à l'époque. Non, le son c'est Laurent. Le son c'est Laurent. Ah, je sais que. Ah, ça va être très. Ça va être vraiment chapié là. Ça va être très chapié le canapé là, le divan, pardon. Mais c'est vrai qu'avec Laurent, on a la chance d'être. On n'est pas des frères ennemis quoi. Vraiment pas. On a eu une enfance, on a partagé beaucoup de choses, des jeux, plein de choses. Et je sais que c'est vraiment quelque chose de... C'est une chance. Je sais que c'est vraiment une chance quand je vois d'autres frères et sœurs. Enfin, voilà. Mais ça va être la particularité de cette playlist, c'est que je vais avoir deux frangins. Ah, Laurent, lui aussi, a fait sa playlist. Ouais, ouais, il l'a communiqué, mais on savait même pas, tous les deux, quand on avait envoyé une. Et quand il m'a envoyé la sienne, j'ai fait « Ah, bah tiens, je te vois la mienne !» Enfin, voilà, quoi, comme des cons. Vous aurez les deux faces... d'un même visage, enfin d'un même demi-visage, on va dire. Ouais, on est les doubles faces. Pourquoi les Who? Pourquoi les Who? Pourquoi ce groupe-là en précis? Alors, parce que j'adore les Stones, mais ils ont un truc qui est un peu trop galvaudé. Même si je les écoute avec plaisir, je suis pas Beatles pour deux sous. Je trouve les... J'accroche pas les Beatles, c'est très très rare. Il y a quelques morceaux des Beatles que j'écoute avec plaisir, le reste me saoule. Je trouve que c'est de la soupe. Et là, je me fais pas des amis, à mon avis. Mais plus vicieux que ça, j'ai eu la chance d'écouter des vieux enregistrements des Beatles, la chance entre guillemets, et j'ai entendu récemment à nouveau les mêmes enregistrements soi-disant, et on n'entend que du remasterisé, et ça me chiffonne beaucoup parce que les Beatles, c'était quand même pas la fête du slip au niveau de la qualité musicale, et par exemple, le batteur avait beaucoup de mal à tenir le rythme proprement, pour être poli. Et les remasters gomment tout ça et du coup ça me chiffonne beaucoup. Beaucoup beaucoup. Et comme en plus je suis pas foncièrement Beatles. Voilà. Et les Who parce qu'ils sont fous. Ils sont fous. Il faut voir, les Who c'est Tommy. C'est l'opéra rock Tommy réalisé par le réalisateur de. C'est ça, par Ken Russell. Ken Russell, c'est pas le dernier des trous du cul, parce qu'il a quand même fait énormément de choses un peu bizarres derrière. Et C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Oh là là ! Gros instant Wikipédia clic. Non, non, non, non, non, non, il a. Il a fait plein de films bizarres, qui sont comme Treasure Island, qui est un truc de TV, qui était l'île au trésor version bizarro, avec que des effets de musique bizarroïdes. Son peu ambiance 70s. Il a fait un au-delà du réel qui s'appelait Altered States, un film en années 80 qui est une espèce de polar bizarro. Il a fait Les jours et les nuits de China Blue en français qui est Crime of Passion, qui était un drôle de film pareil. Et Le repère du ver blanc, si vous l'avez pas vu celui-là, faut le voir, c'est un chef d'œuvre. Oh putain, c'est de la série B de ouf. Non, c'est vraiment un mec qui est aussi barré que le film. Et, non, mais de toute façon, il faut imaginer, c'est un. Les Who, ils font un opéra rock, avant Quadrophonia ou après, je sais plus, et ils font une scène, et quand ils font le film, ils font une scène où la mère de Tommy s'en veut parce que Tommy est un petit enfant génie du pinball, comme on dit en anglais, mais il est aveugle, sourd et muet, mais il est fort au flipper, et c'est complètement débile comme histoire, et sa mère s'en veut, mais grâce à ça, elle gagne des millions, et elle se tape vraiment une crise de délire où elle bouffe des faillots, et les faillots, il y a la publicité qui passe dans la télé, et la télé lui déverse une montagne, un torrent de faillots sur elle, alors qu'elle est dans un décor qui est entièrement blanc, immaculé. Enfin non, mais c'est complètement halluciné, ce... Enfin voilà, les Who, c'est juste complètement fou. Et cette folie, elle donne une énergie dans tout ce qu'ils font, dans toutes les musiques. On parlait des génériques des experts, moi je suis sidéré que les trois séries, les experts, aient eu des génériques tirés des Who. Enfin, ils ont pris un tout petit bout, ils ont fait un petit sample d'une boucle, mais... enfin, je trouve ça vachement osé. C'est pour ça que ça m'avait interpellé, et c'est un truc de fou, quoi. C'est des fous. Il y a vraiment un truc super fort à écouter dans la musique, je trouve. Parce que là, il y a un titre de 9 minutes. Ouais, mais ça, c'est les lives. Le live que j'ai pris, c'était 15 minutes. Mmh. Les mecs, c'était fou. Ah, mais quand ils partent sur scène, il faut voir, il y a un live de Montreux en 73 ou 75, je sais plus. Non, je confonds avec un autre chose, ça. Il y a un live qui existe de... je sais plus où. Où ça, t'as Pete Townshend qui fait son break tout seul et t'as Daltrey qui gigote non-stop là-dedans, complètement halluciné. Enfin, c'est juste... c'est complètement starb. Enfin, mais ils sont fous, hein, honnêtement. Mais il y a vraiment un truc de... Il y a Kess Moon qui fait un énorme break de ouf pendant 10-3 minutes. Enfin, que à la batterie, quoi, t'imagines, quoi. Et... il y a un vrai génie créatif dans ce qu'ils font, même s'ils sont fous, il y a un vrai génie créatif. Et je trouve qu'on ne trouve pas partout. Et qu'on ne voit pas partout, surtout à cette époque-là, même s'il y avait quand même pas mal de choses qui valaient le coup d'œil. Est-ce que c'est un groupe à rapprocher des Doors? C'est une bonne analogie. Ouais. Parce que là, ce que tu me dis, les lives très très très longs, ça me fait penser à Riders on the Storm. Oui, je suis d'accord avec toi, il y a une vraie logique créative et... De jeux scéniques à mettre avec les Doors. Par contre, ils ont des univers très différents. Tu vois, là, les Doors, j'aime bien, mais tu vois, l'univers, c'est pas moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais oui, ouais, c'est une bonne analyse, c'est une bonne mise en parallèle. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Bon, faut écouter aussi les Doors. Il y a bien quelqu'un qui veut en parler dans la playlist à un moment ou à un autre. Tôt ou tard, quelqu'un en parlera. Tôt ou tard, ça viendra. Ouais. L'émission dure assez longtemps. Alors, je suis tombé sur ce magnifique synopsis du film Le Repère du Verrier. Je cite: un archéologue écossais, Angus Flint, est emmené par un ami, Lord James Dumpton, visiter le vieux château familial dont il vient d'hériter. Celui-ci se trouve situé à proximité d'un étrange manoir, propriété de la non moins étrange Lady Sylvia March. C'est alors que des disparitions inquiétantes se produisent dans le voisinage, ce qui éveille la curiosité des deux amis. D'autant plus qu'un ancien crâne découvert peu avant par Flint lui est dérobé dans sa chambre. Tentant d'en savoir plus sur ce crâne, espérant ainsi comprendre pourquoi on lui a volé, il découvre qu'il jouerait un rôle dans un culte ancien dédié à un monstre vivant sous terre. C'est pas... Ça va être un verre blanc à mon avis, mais ça a l'air trop bien. C'est pas classe comme pitch, putain. Ça enterre tous les Sharknado-dons de merde. Ne me lance pas sur Sharknado, s'il te plaît. Je déteste ces films, donc... Alors attention, ça c'est du nanar de 88. Canada 88-90 en France. Non mais... Notez-le, Le Repère du Verre Blanc. Notez-le sur vos petites tablettes. C'est un film qui va vous faire perdre les esprits. À ce point. Ouais, transition d'expert. Il est chiant de faire les transitions à ma place. J'ai noté des trucs et tout, c'est super relou en fait. Non, excuse-moi, elle est venue en baissant les yeux sur mon suivi et ça m'a fait rire. Pardon, je t'embête. Ça va être le jeu de la transition qui va la faire avant. Vous allez voir, ça va être terrible. Parce qu'évidemment, hein, perte d'esprit, où est mon esprit? Pixies, ça me dit quelque chose, un petit 1988 ou alors un petit film un peu plus tard avec du savon, tout ça. Stop. Autant mythique à l'époque qu'il l'est devenu après le non, film. Non, même plus vicieux que ça, quand les Pixies ont arrêté. C'est un truc que j'avais lu dans quand les Arock faisaient encore de la vraie musique dans leur page. Ils revenaient justement sur les Pixies et sur Where Is My Mind et qui disaient que le morceau avait vraiment explosé au moment où le groupe a explosé. Et c'est vrai que le film lui a fait un bien fou, mais sur la génération d'après d'auditeurs, on va dire. Et moi c'est plutôt c'est vrai que c'est à remettre avec Fight Club, l'absolument fabuleux Fight Club. C'est ce générique qui arrive à la fin de ce film complètement halluciné. Ah oui, c'est une image finale avec là-dessus. Tout s'écroule et puis il y a ça. Tout explose, c'est génial. Pilote à la bouche en sang, enfin. Et puis tiens, il prend la main de la meuf, tout s'effondre. Il y a un instant très particulier de ma vie. Oui. Ouais, mais c'est Et puis alors, par contre, comme c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est aussi un moment où... C'est un morceau qui est revenu, du coup, dans ma vie aussi, à moi, là, par le biais du film. Un moment où, je sais pas pourquoi, c'est... Je sais pas, tu sais, il y a des moments, des morceaux qui restent comme ça, puis du coup, c'est fini, tu peux plus les oublier, tu peux que... Il reste, quoi. Il reste. C'est Kenton qui évoquait ça aussi à propos d'un morceau de musique, qui disait ça, je peux pas l'associer à autre chose qu'à ce moment-là, ça m'a... Je sais plus duquel il parlait, mais voilà, moi c'est exactement pareil sur celui-là, c'est pas un morceau, tu vois, que je peux mettre en bossant, par exemple. C'est un morceau que je vais mettre en bossant vraiment professionnellement. Par contre, c'est un morceau que je peux mettre quand je travaille sur des projets plus perso, des trucs comme ça. Peut-être parce que ça te rappelle ce qui te fait penser à la musique, ça te met dans un état positif. Ouais, c'est une vraie Madeleine de Proust auditive. La musique est un peu un support, en fait. Bah, j'ai peur d'être plus comme ça que vraiment, comment dire, audiophile. Ça se dit, ça ? Oh, sûrement, oui. Ça se dit ici, de toute façon. Ah ouais, non, mais c'est... Oh. Yeah, tu vois, on retombe sur cette ligne-là. Il y a vraiment... Tu vois, le morceau, il est pas rapide, mais c'est pareil. Lui aussi, il y a un truc dedans, en termes d'énergie. Comme Nirvana, il te renvoie des trucs... Musicalement, il est pas vraiment complexe. Non, mais... Mais il y a quelque chose. C'est... Il y a vraiment... Il y a un truc... Il y a un équilibre parfait entre tout ce qui est mis dedans et tout ce qui passe au travers du groupe et des interprètes, quoi. Fight Club, film de l'amour. Film de la vie. Fight Club... Fight Club, avant 16 ans, sinon t'as raté ta vie. Quelle que soit ta génération. Parce qu'il est pas prêt de vieillir, celui-là. Malgré les certains gimmicks visuels, je pense qu'il est... Enfin, il y a une vraie qualité dans la réa, quoi. Et il y a une vraie énergie dedans. Il y a aussi une qualité de subversion. Oui, mais ça va avec. Il y a un âge pour la subversion, et je trouve que celui-là, justement, il n'a pas d'âge pour être subversif. La noter, ça... Oui. Ouais, c'est une catastrophe, oui. Ce soir. Ce sera... Cette playlist sera offerte gratuitement à tes futurs enfants ou tes enfants. Ou ça va être terrible. Non, je l'assume sans aucun souci, ma playlist. C'est ce que je dis avec, honnêtement. C'est un titre d'enfance ou vraiment sur le tard ? 88 ? Le film, après, c'est 93, non ? Fight Club ? 98, 10 ans après ? Alors, plutôt le tard, parce que c'est vraiment le Fight Club qui me l'a complètement gravé dans la tête. Même si je dis, hein, c'est quelque chose que j'avais en haut. 99 Fight Club, la vache. Ouais, non, c'est ouais, donc moi tu non là tu as les Pixies, c'est vraiment sur le tard. Et comme je dis, hein, c'est vraiment ce morceau-là, je l'avais en tête, il tournait. Tu sais, quand je l'entendais, je l'aimais, quoi. Il y a pas de souci, mais j'ai jamais été au point d'aller le rechercher. Et le Fight Club me l'a juste poussé dans les oreilles. D'ailleurs, la BO des Dust Brothers est une tuerie monumentale. C'est sûrement leur meilleur album. Ou Chemical Brothers. Alors là. Cinquième instant, oui. C'est terrible. Dust Brothers, c'est ça, Dust Brothers. Non, j'avais raison au début, zut. Ah oui, elle est vraiment bien en plus. Ouais, non, mais c'est pareil. C'est, les Dust Brothers, franchement, ça casse pas trois pattes à un mouton, même irlandais. Mais là, non, là, non, c'est BO. C'est trois pattes à un mouton irlandais, s'il te plaît. C'est pareil. Donc ça casse pas les bouteilles de whisky. Je m'en... C'est pareil, si vous devez écouter une BO des Dust Brothers, il n'y a que celle-là à écouter. Les autres, dégagez-les. Voilà, donc on en est à 24 titres en plus, super. C'est toi qui provoque aussi, hein. Oui, je sais, mais c'est la puissance de l'évocation, qu'est-ce que je te dise. C'est la force de la musique. La puissance de l'évocation, c'est la puissance de l'esprit, ce sera même la puissance d'un esprit, de la mutation, grâce à un titre. Alors là, très content, parce qu'on change un peu. C'est plus de la musique, je dis normal, mais ça, je ne devrais pas dire normal, mais cette fois-ci, on va partir sur de la bande originale d'animation, la BO d'Akira par Yamashiro Shoppi. Le titre Tetsuo. Avec cette musique, pourras-tu seulement parler musique et pas du film ? C'est un... Ouais. Là, ouais, parce que je peux parler du manga à côté. Ah, voilà, je me disais aussi. Ah, non, mais ça... Ça, c'est un... C'est juste que tu... Toi, t'es un petit crétin de français. Grâce à Glénat, tu viens de découvrir Kajurito Otomo. Et puis, t'apprends que le film, il sort. Il sort en France en 91. Tu vas voir le film. Et tu sors du film. Et tu sais que dans ta tête, il n'y a plus rien qui est à sa place. Et pas parce que le visuel est super, pas parce que l'animation est un chef-d'œuvre, pas parce que l'histoire est génialissime, mais parce qu'il y a cette BO. Cette BO qui est un... Qui est un truc qui te... qui t'ouvre à la culture japonaise au sens vraiment traditionnel du mot, sans te perdre, mais en gardant l'esprit de la futuriste. Futuriste, c'est... Oh, c'était une claque, mais une claque ce son. Dans la représentation, je m'y attendais parce que j'étais déjà complètement amoureux du manga. J'avais rongé mon frein pendant presque 4 ans et demi que Glénat sorte correctement tous ces putains de volumes. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais qu'une seule édition. Et le film arrive quasiment derrière. Et ce score, je crois que je l'ai acheté quasiment deux jours après. C'est ultra rare chez moi, ce genre de comportement pour de la musique, en tout cas. Et puis à l'époque, pareil, faut pas déconner, le torrent n'était pas aussi développé. Je sais pas s'il y avait Akira sur Napster. Hein. Non, en plus, je suis même pas sûr qu'il y avait Akira sur Napster, mais oui, il l'avait développé même dans ce sens-là. Hein. La culture n'était pas à ce point transfrontalière. Et c'était. Et je l'avais trouvé dans une boutique, ça devait être Tonkam. Il devait y avoir que Tonkam qui devait avoir le CD d'import. Et puis après j'ai cherché énormément d'informations sur cette BO et il y a un documentaire magnifique sur l'édition collector du Blu-ray d'Akira. Il y a un documentaire. Toute rouge. Non, toute noire. Ah zut merde. Blu-ray et DVD remasterisé bande son et images. Toute noire avec le storyboard complet. Et du coup j'ai un magnifique qui montre bien à quel point le travail a été fait sur justement sur ce vrai mélange de traditions. Là, cet instrument là qu'on entend, par exemple, c'est un pseudo-xylophone japonais. Me demandez pas le nom, demandez à Walter Proof. Il est fort pour les instruments à la con. Et c'est juste génial, quoi. Il y a cette rythmique qui n'a rien à voir. Et là... C'est fabuleux. C'est juste fabuleux, quoi. Quand même étonnant. Akira 88. Ouais. Pour le film. Mmh. Ghost in the Shell 95. Ouais. Et pourtant, niveau bande originale, c'est le même principe. Il y a la même qualité. Le futuriste. Oh. Ah là, quand même, ça pète. Ça te défonce sa race. T'as le même principe de instruments modernes, enfin... vieux instruments classiques, orchestration et des voix très très très traditionnelles et tout cet univers extrêmement futuriste. Bah, de toute façon, c'est du Neo Tokyo hein, à 6-7 ans d'intervalle comme ça. Et j'ai l'impression que ces deux mangas là, ces deux films là ont fait l'effet d'une bombe en France, en tout cas pour les animateurs d'anime, que ce soit surtout en VHS à l'époque. Ouais, ça a été mais. Bah, Akira, je sais pas comment d'autres personnes l'ont perçu, moi, Akira, c'est la qualité de l'animation surtout. On sortait enfin des Chevaliers du Zodiac et de Dragon Ball, on montrait que le Japon pouvait faire de l'anime, ça on n'en doutait pas, on savait qu'ils faisaient des belles choses, mais vraiment faire un truc génialissime. Et Ghost in the Shell arrive et nous fait un thriller existentialiste et nous démontre qu'on peut faire du futuriste. Sans tomber dans les conneries, sans tomber dans le pampan de cucu futuriste de merde. On est en 95, Blade Runner avait commencé à atteindre ses lettres de noblesse, mais n'avait pas l'aura qu'elle a maintenant. Faut être super réaliste. Blade Runner était considéré comme un grand film, on connaissait pas la Director's Cut, on connaissait pas l'ultime Director's Cut. J'ai des billes de départ, c'était une catastrophe, mais alors il y avait une production derrière complètement folle. Ouais. C'est des productions à 11 millions de dollars. C'est gigantesque pour l'époque, pour un anime. Non, mais c'est... On se rend compte simplement qu'il y a une vraie culture, qu'il y a des codes, qu'il y a une richesse, qu'il y a une façon de dire et de raconter les choses avec un médium qui, en Europe ou tout au moins en France, et pour des gens de nos âges, pour l'instant, ça se cantonnait à de la merde de dessin animé, quoi. Dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens. Il y a surtout une scène, la scène finale, qui est juste... Elle est formidable, mais elle est horrible à voir. Akira ou Ghost in the Shell ? Akira. Ah oui, oui. La scène. Moi, c'est un film qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Mes parents avec Canal+, je dis, oh, il est super, j'ai vu mon voisin Totoro, il va y avoir Akira qui va passer, je vais regarder. Oh. Ah, moi, scène c'est... de fin, mais... Quand Tetsuo gonfle et tout ça, là. Oui, c'est horrible. Mais il avale ses amis. Ah non, mais c'est génial. C'est... Puis en plus, l'animation, et le truc était super speed jusque-là, ça dépotait, les motos couraient dans tous les sens, les mecs couraient dans tous les sens, les trucs volaient, les plateformes volantes allaient dans tous les sens, les et là, d'un seul désolé, coup... Les motos. J'ai passé ma vie à rêver de cette moto. Et pourtant, je suis vraiment pas motard pour dessous. Je suis même pas bagnole du tout. Mais cette moto, puis le bruit qu'elle avait. Enfin bon, passons. Là, je le fais très mal, mais... c'est pas la flemme, je le mettrai au montage. Ouais, c'est comme celle de Tron, là. C'est des motos... Là, je les ai toujours voulu toute ma vie. Je les aurais jamais, mais bon. Quoique celle elle de... Elle existe en vrai. Quoique celle de Canada, d'ailleurs... Dans le film, dans l'anime, de nos jours, avec la miniaturisation et les moteurs électriques, on va pouvoir commencer à faire des trucs pareils, quoi. Ça va commencer tripant dans les rues. Pardon. Et ouais, donc pour revenir à Akira, ouais, c'est. Non, mais alors là, c'est juste. Je pouvais pas le mettre dans ma playlist, ça. C'était. Je sais, c'était. C'est... Ça a tellement. Puis même graphiquement, après, dans moi, ce que j'aime, dans le traitement néon, du noir, du blanc, de. Il y a tellement de choses que j'essaie de recaser à toutes les sauces possibles. Ça m'a tellement marqué à tous les niveaux que non, ça ne pouvait pas être dedans. Mais t'es déjà familier de l'univers des animes, des mangas, enfin, entre guillemets, sérieux ou pas du tout? Alors, pour être honnête, en BD, oui, en anime, pas du tout. En manga, papier, oui, parce que je commençais à avoir pas mal creusé des trucs. Je regardais du coin de l'œil les trucs, genre Evangelion, Call, qui étaient déjà sortis... Mais ça me parlait pas, visuellement ça me parlait pas. Il y avait pas le. Je suis d'ailleurs toujours pas un grand fan d'une très très grande partie de la production japonaise. Il y a des choses, moi ça me parle pas. Le shonen ça me fait chier honnêtement. Par exemple, One Piece ça me gave, tant en BD qu'en anime quoi. Je trouve ça chiant. Et en plus je trouve ça pas beau visuellement. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais moi je trouve ça pas beau. Je suis resté, moi, l'adaptation de Metropolis qui avait été faite par... Otomo, Katsuhiro Otomo, je crois. C'est Otomo aussi, non ? J'ai un doute. Un doute. Ah là là, bon, huitième instant Wikipédia. Hein. Non, non, c'est pas Otomo, c'est le gars qui avait fait... Astro ! Rintaro ? Oui, Rintaro. L'animé de Metropolis. Le scénario de Katsuhiro Otomo. Mais sinon, le réalisateur, c'est Rintaro. Oui, non, mais c'est plus le style graphique là, qui m'intéressait, c'est Rintaro. Ça, voilà, tu vois, ça me parle, ça, je trouve ça génial. En plus, là, pour le scénar, en plus, c'est un chef-d'œuvre, mais ça, c'est le maître, donc ça compte pas. Il a le droit, lui. Voilà, lui, il a le droit. Mais voilà, mais c'est ça. Après, moi, je suis pas du tout un fan, j'aime les robots, j'adorais regarder Robotech quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais pu les revoir. Vache, après, ça m'a saoulé. Oh, la discussion de vieux, c'est horrible. Ouais, mais j'ai jamais pu les revoir, tu vois, ça m'a saoulé. Autant j'ai quand même pu revoir mes Albator de 78 et 84, autant les Robotech, j'ai jamais tenu plus de 5 épisodes. Ça m'a gavé. Robotech, ça passe pas. Ça marche pas. Ça vieillit mal, ça a pas vieilli, ça, c'est une horreur. Mais tu vois. Pour les Macross, même en OAV et compagnie, ça passe beaucoup mieux. Ouais, bah je vais essayer. Je les ai en stock en plus. Un jour, je les regarderai. Mais non, tu vois, il n'y a vraiment qu'une toute petite frange de toute cette culture qui m'a vraiment accroché au final. J'ai essayé à un moment, j'en ai acheté dans tous les styles, dans tous les genres, dans n'importe quoi même. Mais non, il y a vraiment, au final, il y a vraiment peu d'œuvres qui ont fini par vraiment me marquer. En général, quand je m'en souviens encore, c'est vraiment qui ont marqué de façon super forte. Quoi. On parlait de Ghost in the Shell, on parlait d'Appleseed en manga. En manga, ouais. L'Appleseed BD, enfin, ça m'a retourné la tête. C'était le mélange de science-fiction, enfin, de hard SF même, parce que les explications techniques sur les mechas, sur la construction d'une cité parfaite entièrement autonome avec des bioroïdes qui les gèrent pour aider les humains, enfin, c'est super pointu techniquement par moment. Enfin, C'est pareil, ça, c'est une révolution. Moi qui ne jurais que par Asimov ou des gens comme ça, voir des gens complètement différents et qui te ramènent ça d'une autre manière dans un contexte super moderne, entre guillemets, pas déconner, Asimov, c'était quand même déjà une vieillerie, même quand j'étais ado. Enfin, tu vois, c'est. Non, il y avait vraiment un truc. Ça vraiment. C'est, je suis pas un fan de manga, mais il y a vraiment quelque chose dans cette culture qui est vraiment fascinante. C'est le contraste avec la culture classique habituelle qu'on avait de l'époque entre Lucky Luke, Astérix et compagnie. Et là, t'as des gros beaux géants qui se tapent dessus. T'as du Neo Tokyo, du futuriste avec un mec avec des pouvoirs psychiques, de mutations complètement fou. Ouais. Et puis, alors honnêtement, je ne conseillerais que trop de lire la version qui avait été sortie. Alors là, je suis à peu près sûr de Glénat, d'Akira, qui était relié en 14 volumes, était la version américaine colorisée, mais avec des planches de rajout qui avaient été faites par Otomo entièrement à la couleur. C'est pour moi, même si le noir et blanc est superbe, machin, même si Kajurito Otomo il a tout fait en noir et blanc bidule, je suis d'accord, mais cette édition-là, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Par contre, je vous préviens, elle n'est pas facile à trouver de nos jours. Je l'ai en entier. Mais c'est vraiment une superbe édition qui respecte énormément le matériel, parce que même si ça avait été mis dans un format européen en termes de hauteur et de largeur, les planches à l'intérieur étaient homothétiquement légèrement, avaient des plus grandes marges blanches autour pour respecter le format des planches de manga, même si elles avaient été colorisées. Non, c'est une tuerie, quoi. C'est sûrement, enfin, faut lire ce truc, c'est super long, c'est... Ça démarre dans une espèce de polar SF pour virer au Mad Max en finissant sur pareil à nouveau sur l'existence, sur une espèce de fable et de science-fiction existentialiste. Enfin, voilà. Là, je pourrais parler des heures d'Akira. Et d'ailleurs, je peux même pas le faire en broclash parce que Laurent est d'accord avec moi, donc c'est nul. Tant mieux. On aime bien quand il y a des clashs. Futuriste tout cassé, ambiance un peu cracra. Bon, 99. On va revenir, on va avancer en 99 d'ailleurs, parce que là on était revenu en 88, 11 ans plus tard. Il y a un petit truc qui se passe au cinéma avec les frères Wachowski, je crois, ils sont devenus sœurs maintenant, enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais on va écouter Rob Dugan, Club to Death, Kuraya Mino Mix. Ouais, c'est ce mix-là qui vient, parce que sinon Rob Dugan c'est chiant. Cette intro là, mais je suis désolé. Faut dire ce qu'on veut de Matrix et compagnie, mais ça pète. Le premier, mais c'est pareil, on parlait de choc avec Akira, là c'en est un autre. Alors par contre, ce morceau là, je l'avais par accident, je l'avais déjà entendu avant, ce mix. Ah. Sans le noter plus que ça, à part que c'est encore un truc, c'est pareil, qui te file une patate et une énergie de ouf, quoi. Enfin, moi je trouve qu'il y a. Ce truc qui te prend gentiment l'arrière du cerveau, là, qui vient te le gratter et qui te dit vas-y, t'as l'impression que tu pourrais accélérer progressivement sur ce truc. C'est pareil, alors après, je t'explique même pas, quand je l'ai vu, je l'ai réentendu dans Matrix, c'est exactement comme pour Fight Club, du coup je fais oh, reviens par là, toi. Viens, écoute, viens avec papa. Non, mais c'est juste une tuerie, ce mix. Ce mix, en plus, je précise vraiment bien parce que. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ce mix ? Il est épuré. Il va directement à la force du truc. Il enlève une partie. Il y a un écart avec l'original. Honnêtement, j'ai même plus l'original en tête. Et il y a. On demandera à Actarus. Exactement. Et c'est juste. Mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore. Alors là, par contre, c'est. C'est juste un truc de bourrin, quoi. J'adore. Parce que là, cette ligne de base, quoi. Alors Matrix claque de l'époque aussi. Ah ouais, non mais le problème c'est qu'on atteint ce moment de la culture et de la technicité où Matrix sort des trucs de ouf et 2 ans après tout le monde le fait. C'est à la fois génial et à la fois tristoun parce que quand tu revois Matrix tu perds énormément énormément de choses. Parce que tout le monde l'a copié, plagié, caricaturé, refait. C'est dommage parce que le premier Matrix, il perd énormément de sa fascination parce qu'il a été pratiquement trop repompé. Peut-être que dans 10 ans, on le redécouvrira, ce film, tu vois. Le premier, je précise. Hein. Parce ah ouais. qu'il y a... Il y a vraiment un truc hallucinant dans ce film. Il y a le début, plus c'est la grosse période où on commençait à parler du hacking, des black hats et des white hats, que Mitnick commençait à faire partie d'autre chose que de la culture geek et tech. Et, l'avancée de la DSL, souvenez-vous des vieilles revertes dégueulasses, la DSL qui avance, le téléchargement aussi qui avance, cette culture informatique qui s'est mise en place aussi. Et je reste intimement convaincu que, au moins pour une grande partie de l'occidental, Matrix a façonné énormément une façon de choisir et de faire vivre pour les jeunes de l'époque, de faire des choix, de se dire... C'est le coup de la pilule bleue, pilule rouge, c'est j'accepte, je vais décider de faire contre. Je vais trouver le moyen d'être différent. Mais pas pour aller contre tout le monde, mais parce que je veux être moi. Je reste intimement convaincu que cette scène a marqué beaucoup plus profondément toute une génération de gens et d'ados, ou de jeunes adultes de l'époque, parce que y a vraiment un truc... Je sais, ça paraît con. Putain, la soirée des vieux cons. Il y a vraiment un truc dans toute la première partie de Matrix, dans la problématique de viens voir la réalité ou accepte-la telle qu'elle et arrête de te faire chier, et arrête de faire chier le monde. Moi, c'est comme ça que je vois le coup de la pilule bleue, de la pilule rouge, et c'est vrai que c'est... C'est extrêmement binaire. Hein. Oui, mais c'est un binaire qui est... j'allais dire légitime, mais c'est pas le mot exact, tu vois, qui est légitime dans le sens où il y a un moment, il faut faire un choix. Dans ta vie, il y a des moments où tu fais plein de petits choix, mais il y a toujours un moment où tu te dis « Bon, c'est ok, c'est cool, j'ai mon diplôme. » Enfin, je dis ça, moi j'ai pas de diplôme, donc je suis pas un bon exemple pour ça, mais je caricature un peu. Mais tu dis « Je veux faire ça. Je vais faire ça. C'est vers ça que je veux aller. Je vais prendre n'importe quel chemin, mais enfin, en étant légal, hein, je précise. je vais faire les choses et puis je vais aller vers ça. » Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, je vais pas prendre le risque, parce que c'est toujours une prise de risque, au moins un autre certain choix. » Et puis tu vas dire « Non, non, et puis tu vas aller faire un autre choix qui va te rendre qui va te mettre sur certains rails, dans un certain contexte. » Et c'est pour ça, moi, toute la première partie avec « Suivez le lapin blanc, putain, Alice au pays des merveilles », en plus c'est pareil, ça c'est un livre qui est fabuleux. Qui a aussi bercé toute mon enfance, là, pour le coup. Il y avait déjà dans Matrix et donc des choses qui étaient énormes, et c'est en partie tout ce que ce morceau pour moi porte d'ailleurs. Puis il y a aussi dans ce film c'est une certaine vision du futur et de ce que la technologie peut nous apporter. Est-ce que c'est le futur ? Qu'est-ce qu'on avait trippé sur ce principe de je me connecte à un ordinateur et en 5 secondes j'apprends à faire du contrôle. Ouais, c'est tellement la classe. Je veux une arme qui me met un weapon. Ça c'est cool. Ça fait des effets, c'est super classe. Je suis désolé, mais ça fonctionne, mais ils ont plus l'impact qu'ils avaient quand le film est arrivé. Je me souviens, je l'ai vu 4 fois en salle, celui-là. J'ai acheté le DVD quand il est sorti et j'ai défoncé le DVD. Je crois que c'est un des premiers DVD, c'est un des rares DVD qui a utilisé vraiment la fonction de... Il existe dans le ripping de DVD, alors on va rentrer un peu technique, c'est des fonctions qui permettent de faire des annotations commentées à différents moments, le fameux Follow the White Rabbit qui était appliqué dans la première édition du DVD de Warner. Et bah ça, quand tu activais cette fonction-là, t'avais d'un seul coup, t'avais un pas blanc qui arrivait, tu tapais sur OK de ta télécommande de lecteur de DVD et tu basculais dans le making-of et tu voyais comment la scène était faite en incrustation. Et t'as la bande-son basculée vers la bande-son du making-of. C'était génialissime. Ah, c'est trop fort. Ça. C'était génialissime. Et personne n'a refait ce truc-là depuis, c'est con, parce que je trouve que c'était vachement malin. J'aime bien les commentaires audio, mais des fois, j'ai pas envie de les avoir tout le long, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouvais vachement plus malin. En termes de bascule. Bon, après, ça demande vachement de temps, ça demande des heures de préparation et de montage en ripping, mais donc c'est pour ça que ça coûtait trop cher. Donc, alors que t'assois 4 connards dans un studio, tu les fais parler, on sait bien que ça coûte pas grand chose. Entre guillemets, le soin à apporter à ce film qui a marqué une époque. Ouais. On n'a plus aujourd'hui. Ah non, c'est pas vrai. Non, il y a des films qui sont très soignés, il y a des choses superbes qui sortent encore de nos jours. C'est juste que Matrix, ça était personne, le bullet time. C'est banal maintenant, mais personne n'avait fait ça. Et quand tu vois par exemple le Hobbit, même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, hein, je parle pas du scénario, mais dans le Hobbit, quand la caméra tourne autour des nains et de Gandalf, puis dans les mines, Et que la caméra passe au-dessus d'eux, en dessous de la passerelle pour revenir sur Gandalf qui défonce du gobelin pendant que la caméra en plan séquence. Ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est la logique du bullet time. C'est à une action en continu qui d'un seul coup on va tourner autour. Même si Matrix figeait l'action, on s'est vachement éloigné de la musique là, mais voilà, tu vois, c'est Club to Death, le Kurayan Minomix, c'est vraiment tout ça, ouais, c'est encore une musique pour moi qui est d'abord des images, quoi. C'est une catastrophe à quel point. Au-delà de l'image. Ouais, mais il y a quelque chose. Alors après, moi, comme je dis, j'adore tout ce qu'elle véhicule comme énergie. Et je précise bien vraiment ce mix-là. Et c'est cool, quoi. Est-ce que j'ai le droit de faire un parallèle? Encore un autre. Vas-y, parallèle. Matrix, Mad Max Fury Road. Ah. Une époque, un instant T qui va redéfinir un peu le cinéma. Ouais, je sais, Mad Max, j'ai... On a parlé en préparant l'émission. C'est vrai que moi, je suis amoureux, fan de ce film, et le revisionnage ne m'enlève pas l'impression que j'en avais eu au premier, en salle. Mais j'ai... Encore frais, il n'a pas encore été digéré. Ouais, mais j'ai... Contrairement à Matrix, ouais. Qui lui, il dirigeait depuis 10-15 ans. Mais Matrix n'a pas eu la hype qu'a eu Mad Max. Mad Max, c'était plus une hype qu'il avait, c'était un tsunami. Tout le monde a dit c'est un film cultissime, les cascades sont faites en vrai. Oui, bande de crétins, ça fait des années que les cascades sont faites en vrai. Même s'il y avait des effets numériques, il y a toujours eu un mec ou un autre qui faisait le démarrage de l'action, mais passons. Il n'y a plus d'effets numériques, hein, faut pas déconner les mecs. Le désert, il a jamais été orange. Mais tu vois, il y a plein de choses. Oui. Il y a eu une hype, et j'ai peur que la retombée de cette hype desserve le film, alors que tout comme Matrix a été trop copié. Trop pompé, refait, remâché, revisité, remâchouillé, revomi, tout ça. J'ai très peur que Mad Max subisse une contre-hype ou revisionnage parce que les gens vont en avoir gardé une espèce d'image de ouf qui était liée aussi à l'ambiance du moment où quand il est sorti en ouverture en plus, quoi, de Cannes, si mes souvenirs sont justes. C'était juste, mais honnêtement, c'était de la folie sur les réseaux sociaux autour de ce film. Alors qu'il y en a les trois quarts des gens n'avaient pas vu, quoi. C'était ça le plus beau. Et j'ai peur que le soufflet le desserve, la retombée du soufflet le desserve énormément. Et que c'est pareil, je pense que c'est un film dont on redécouvrira la force de narration et la force de l'écriture scénaristique que dans quelques années. C'est mon avis, hein. Il peut être faux et en réalité ce sera une vraie bouse et tout le monde l'aura oublié dans 15 ans. Alors bienvenue dans la Watchlist, une extension de la playlist où on parlera des 10 films cultes au cinéma. Celle-là c'est moi qui la ferai, c'est toi qui viendras en invité. Déconne pas, elle est en préparation. Pas par moi, vous inquiétez pas. 90, on va retourner un petit peu beaucoup en arrière. Alors, ce truc-là... Back to the Future. On tentait un petit peu le sweatshirt fluo qui est en train de pousser, toute cette tissue, le nylon bien fluo, grosse boombox, Run DMC. Les casquettes, mon Dieu. Adidas sans lacets. Oh putain. Juste écoutez. Quand même. Ouais. 1984 sur TF1, le générique de HIP HOP. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous as ressorti de là fond des ténèbres. Ah mais ça, c'est juste... Ah non, mais c'est... C'est marrant, c'est encore un truc... À l'époque, Alors attends, ouais. Excuse-moi. Une chose... Si jamais tu arrives à me ressortir une photo de ton frère en sweatshirt fluo... Ah non, je dois... Et je crois que par contre, il n'y avait pas le sweatshirt fluo, mais on avait la casquette en tortillon, en plastique mou, là. En cas où... mortel. Moi, j'avais la casquette Adidas, déjà. Mais... Oh la vache. Ah, on est des enfants de la banlieue avec le frangin. Et même si on grandissait... au son du 45 tours, nous dans la rue, c'était ça qu'on entendait. C'était Afrique. J'évoquais tout à l'heure des albums des Black Eyed Peas à l'époque de la fin du funk et d'Africa Bambaataa. On entendait plus ça, nous, dans la rue, que du rock que nous on avait à la maison. Et moi qui adorais toujours les trucs qui bougeaient, qui manquaient jamais d'énergie pour aller courir dans tous les sens, sur TF1, tu découvres Sydney Hip Hop, le mec qui t'apprend à danser un truc de ouf, à faire du breakdance. mais je suis devenu ouf. Et je dansais le breakdance dans la cour d'école avec les potes, et puis voilà, quoi. Et c'était ça. Et ça, c'était génial. Mais il n'y avait pas cette espèce de culture du rap West Coast qui arrivait après à base de flingues et de merde, là. C'était vraiment le... C'était Africa Benbata, c'était la Queen Latifah, tout super jeune à l'époque. C'était vraiment une espèce, c'était ce qu'on appelait les homeboys, ça veut dire ceux qui avaient la culture d'aider les autres, mais qui n'étaient pas encore dans le mouvement et tout. Enfin, il y avait toute une culture derrière ça qui était géniale, quoi. C'était l'arrivée du rap, c'était Lionel D et Dynasty à Vitry. Mon Dieu, quand même. Lionel D, faut, si tu l'écoutes maintenant, tu te dis, putain, mais le mec, il fait du slam. Non, non, mec, c'était du rap français à l'époque. Et c'était génial. Et Dynasty était déjà un tueur au platine. Et je te parle. Et NTM était très loin, il n'existait même pas encore. Il dansait dessus, ils apprenaient dessus comme moi. Ouais, non, c'est génial. Ça. Oh mon Dieu. Lionel D pour toi, mon frère, ouais. Le beurre. Ça, c'est ça, c'est ses dernières. Mon Dieu. C'est celle que je trouve en dernier. Et c'est. Ah non, mais il y avait. Et puis, y avait, comme je dis à l'époque, il y avait une espèce d'idée d'utiliser le hip-hop. La culture hip-hop pour essayer d'amener autre chose dans les banlieues ou dans les banlieues quand ça avait un sens qui n'était pas négatif, ni ridicule, ni péjoratif. Et il y avait vraiment une idée d'une culture derrière qui a disparu en chemin avec grâce à notre ami Le Pognon. Bon, là, je fais mon gauchiste de base. Aïe. Il est très fort pour tout changer de Pognon, ouais. C'est bizarre. C'est vraiment le souvenir d'enfant, ah, souvenir entre guillemets de. Écoutez la basse, ça se fait plus, ça, c'est mortel. Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc, je me dis, il faut le faire écouter. Il faut que les gens ils se rendent compte qu'à un moment, ce qu'on appelle de nos jours le hip-hop, c'était ça. Et c'est là-dessus que c'est parti. C'est sur quelque chose de super. Pas, j'allais dire familial, non, mais de super collectif qui était l'idée de regrouper les gens autour. On se retrouvait, c'était bien avant, on se retrouvait dans la cour de récré, on dansait, et le coup de ce que décrit le Mia dans les boîtes, nous, à l'époque, on avait 10 ans, ouais, tout pété, honnêtement, 10-11 ans, et on faisait ça, et on passait les cours de récré, à se dire, attends, regarde, j'ai fait ça, regarde, tu arrives à le faire, et machin et bidule. Et voilà. Et c'était, il y avait une notion d'échange, de création. Je suis sûr qu'il y a des choses qui existent pareil. Bon, j'ai plus l'âge pour les voir passer, à mon avis. Mais je pense que c'est important de dire qu'il y a le hip-hop, c'est ça à l'origine. Et c'était ça la base du truc. Et je dis bien le hip-hop, pas le rap. Mais toi, tu faisais partie des gens cool dans les cours de récré. Je sais pas, je me suis jamais posé la question. Voilà, t'es quelqu'un de cool. Voilà, non, mais c'est dégueulasse. C'est que des gens cool qui font ça. Non, j'avais juste... Je me posais jamais la question. T'avais une casquette Nike. Là, tu vois, la seule différence, c'est que à l'école, moi, l'école, c'était un terrain de jeu. Parce qu'on a une mère enseignante. Et quand t'as une mère qui est prof ou instit, tu comprends très vite que l'école, c'est un théâtre. Et donc, toi, en tant que fils d'enseignant, tu comprends vite les règles du jeu. Tu sais où placer la limite pour pas qu'on te fasse chier. Et donc, moi, c'est vrai que j'avais des choses où je me posais pas la question, j'en avais rien à foutre, je faisais ce qui me passait par la tête. Et c'était pas toujours des bonnes idées. Ok, donc je note, ça ressortira quand ton frère passera dans la playlist. Je veux des dossiers, je vous ai prévenu. Il n'y a pas vraiment de dossier. Restez abonné à la playlist, vous aurez les dossiers quand son frangin passera. Et on fera un broclash playlist tous les deux en même temps, ça pourrait être très drôle. Ça. Tu veux à trois. À trois, ça pourrait être très très rigolo. Toujours aimé les trucs à trois, je le sais. Vraiment, cette époque, c'est... Pourquoi ce générique-là en particulier? Parce que c'est le générique d'une émission de TF1. C'est pas un titre musical en plus dans lui-même qui est sorti. Si, c'était HIPHOP, c'était à la fois... Le titre de l'émission, c'était à la fois le générique de l'émission et le tapis musical aussi, mais c'était aussi le titre de Sydney. Bien sûr, les deux se mélangent complètement. Tu sais, c'est une époque où tout se mélange, quoi. Attends, ce scratch de ouf pour finir. Pardon. Et c'est vrai que. Et puis dans son émission, Sydney, il passait du Run DMC, putain. Tu vois, là, t'entendais ça. Et c'est pareil, t'entendais ça nulle part ailleurs. Là, pour le coup, à l'époque, t'entendais. C'est très vite été partout après, mais t'entendais nulle part ailleurs ce que Sydney proposait. Et c'était cool. Enfin, c'était vraiment cool. C'était TF1, c'était pas le mal comme c'est maintenant. La télé, c'était pas encore tout à fait le mal comme c'est maintenant. Tu vois, tu pouvais, enfin, c'est dire, nos parents, ils nous disaient, tiens, bah, c'est le hip-hop, je vous mets l'émission, ça durait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je sais plus. C'était pas très long. Et les parents, ils pouvaient te laisser un quart d'heure devant, il n'y avait pas de risque. Tu mangeais pas une heure de télé, dont une demi-heure de pub, quoi. C'était. Je dis pas que c'était mieux, hein. S'il y avait d'autres problèmes, il y avait d'autres situations, il y avait d'autres trucs. Juste, c'était différent. Et ça, c'est une bonne chose de cette époque. A vraiment marqué en fait. Ah ouais, moi ça m'a vraiment. Ouais. T'as continué d'écouter du hip-hop par la suite ou ça t'a quoi? Ah là là, ça n'est pas dans la playlist, mais oui. J'ai écouté longtemps et j'écoute toujours du NTM, du IAM, du Solar, du Run. Bah, je suis très très intéressé, j'ai toujours pas eu de rap. Du Run DMC. Ah si, il t'en avait mis Kenton 1. Sûr? Presque sûr qu'il y en avait un qui était. Enfin, il était un mélange rap-metal, mais. Tiens, d'ailleurs, rap metal. Tu connais le plus bel album de mélange entre du metal et du rap? Hein? La BO du film Spawn. Un film qui est une série B absolue fabuleuse, mais toute la BO est constituée d'un mélange entre des groupes de hard rock de l'époque et des groupes de rap de l'époque. Il y a du Lofofora mélangé, du... Oh putain, il y a du Sepultura mélangé avec je sais plus qui. Enfin, si vous voulez vous faire un truc bizarre dans les oreilles, mais mettez-le, c'est mourir de rire. Hop là, 10 d'un coup. Mais non, non, mais c'est. On en a 34. Mais c'est. Non, non, mais c'est. Ouais, j'en écoute toujours, j'aime bien ça. Enfin, non, je découpe pas les modernes parce qu'ils me font chier. Ils n'ont rien à dire. Voilà. Ah. Voilà, ils n'ont rien à dire. Tu vois, même IAM avait toujours eu quelque chose à dire. Même NTM, jusqu'au bout, ils ont eu des trucs à dire. J'ai même écouté l'album solo de Shuriken qui sort donc de IAM. Avait été super intéressant pour ce qu'il arrivait à dire. Les gens, ils n'ont rien à dire. Pour l'instant, ils n'ont rien à dire. Peut-être que les mouvements actuels, sociaux, étudiants, bidules, vont peut-être faire ressortir un rap un poil plus intéressant, un poil plus... plus couillu, plus revendicatif, j'en sais rien. Peut-être que je le rate. Mais j'écoute même encore du Assassin pour donner une idée. Ah oui. Bah, c'est très bon, Assassin. Ça, c'est très très bon. Mais voilà. 35. Enfin voilà, quoi. Je vais les compter. Hein. Mais Melan, si tu veux, je peux aussi. J'ai aussi c'est le paradoxe, c'est que j'avais des cousins qui écoutaient du hard rock, mais du gros hardcore, bien métalleux, bien dur. Si tu veux, je peux aussi partir du côté Sepultura, Iron Maiden. Un peu de FFF oh aussi, c'était bien ça. FFF, c'était pas mal aussi à l'époque. Enfin, c'est plus tard. Non. Deux de la famille Doucet, ça me va. Pas plus. Pas plus à la fois, s'il te plaît. Ah, voilà quoi. Non, non, ouais, non. Le Sydney, c'était. C'était autant pour le côté Madeleine de Proust que pour dire. Pour faire écouter. Pour le faire découvrir peut-être à certains ou réécouter à d'autres parce que. Ouais, c'est sûr, c'est pas la fête, la composition, mais. Il y a vraiment un truc dans cette musique et dans tout ce qu'elle peut évoquer. On va continuer, on s'approche de la fin. Ouais. À s'approcher de la mort de ta playlist. On va aussi s'approcher de la revie de la playlist. Mm-hmm. Et surtout, je pense que, comment dire, c'est un titre immortel. C'est un clair. Peu la révélation pour cet artiste. Juste pour essayer, normalement, je vais vous passer le début, vous pourrez l'écouter en entier au moins 5-6 fois dans la foulée. Ça, il n'y a pas à chier. Hop. Oui, je sais pas c'est quelle version. YouTube, c'est la complète avec le clip. C'est celle-là qui faut de toute façon. Celle où il parle au début. Normalement, au début, ça commence, c'est des dialogues. Honestly, we're out of gas. Avec son sourire. So, ouais. Ultra braque total. Normalement, vous n'êtes toujours pas compris. Là, il y a un moment avant de comprendre. Sauf si vous êtes comme moi, petit coup de ce truc. I'm sorry, I didn't believe you. À un moment, ça va exploser, ça va juste être énorme. Mais c'est, On attend ce moment. You know I like you, don't you? Yes. And I hope you like me the way I like you. Yes. I was wondering if années 60, jupette, veste en cuir. Oh, Michael. It's beautiful. Now it's official. On triche pas, hein, c'est le morceau qui est aussi long. Oui, puis c'est puis moi c'est I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. Non, I mean I'm different. What are you talking about? Are you all right? Get away! Je n'ai même pas sous les yeux. Pour le truc. Le fond que ça a pu faire. Mais le truc quand il est sorti, c'est PPDA à 13h qui dit maintenant la nouvelle chanson, on va pour la finale de ce journal, on va vous mettre Michael Jackson Thriller, la nouvelle vidéo musicale. Personne n'appelait ça clip. Hein. Et le mec il te balance 13 minutes de folie à 13h30. Et c'est un film d'horreur. Hein. Et c'est une tuerie. Mais c'est plus que ça, parce que les effets sont déjà à l'époque sont quand même un peu à deux balles. Enfin, sont suffisamment bien traités pour passer justement à tous les niveaux. Oui, justement à l'image, que sur les maquillages ou le reste, ça fonctionne. Et Michael Jackson fait une prestation de ouf. Les séquences musicales qui vont arriver bientôt. Et la chorégraphie, quoi. Les gens redécouvrent ce qu'on peut faire en Corée, quoi. Est-ce qu'on peut faire la grande force de la culture de l'entertainment américaine à base de musique, de chant et de danse, quoi. Cette Corée mythique absolument. Avec les zombies, là. Et cette veste rouge. Can we get out of here? Why can't watch? Bah, c'est là que ça commence. Pardon. Ah non, mais en plus, c'est John Landis qui réalise, qui est à l'apogée de ce qu'il a appris, il va faire plein de trucs sympas. Et c'est. Ah, mais ça. Oh là là, quand même. C'est juste génial. Non, mais c'est vraiment plus. L'album Thriller est une tuerie, la version qui est sur l'album est vraiment géniale, mais regardez ces 15 minutes, 13-15 minutes de vidéo, c'est tellement fort. Ah, puis Michael, il a une pêche là-dedans. Mais Bah là, lui, bah, c'est fabuleux, lui aussi. C'est ce qui a créé son mythe, hein. Faut pas que je me mette à chanter, c'est énorme, là. Ah non, mais c'est terrible, il y a des trucs comme ça, ça te fait bouger les pieds, c'est horrible. Et ça en fait partie. Ah, mais King of Pop. Hein. Ah non, mais. Et puis t'imagines, là on déconne, on parlait de Sydney. T'as Sydney qui sort, qui défonce, qui arrive et qui amène tout ça en banlieue, puis 2-3 ans même pas après, t'as lui qui fait ça. Si t'aimais bouger, danser, tu vois Michael, tu fais c'est ça que je veux faire. Et c'est reparti à l'école, à tout le monde à se battre pour aller faire les chorés. Enfin, tu vois, personne faisait ça avant. Personne ne faisait ça. Je sais que c'est banal de le dire et de le rappeler, mais c'est. Et puis, tiens, même combien, c'est en quelle année ça? C'est 83. Et les mecs, 82 pour moi. J'ai Thriller, l'album 30 ans, 82. Ouais, mais le clip, c'est 83. Moi, c'est le clip que j'aime. Autant pour moi. Non, je rigole. Ah, d'accord. Mais l'album est mythique quand même. Ouais, non, mais tout est mythique sur cet album. Parce qu'ils vont enchaîner Billie Jean derrière, donc c'est même pas la peine. Et Beat It. Beat It. Beat It. On a Be Starting Something aussi. Mais c'est. Enfin, tu vois, c'est. Ça, tu vois, Sydney et Michael. c'est des fondateurs. Tu peux pas, un moment ou un autre, évoquer certains trucs, c'est ce que font même Beyoncé, ce qu'elle fait là, son dernier titre, avec ses énormes phases de choré avec 30 ou 40 danseuses d'un coup en même temps. Ça faisait des années que ça se faisait à Broadway. Michael Jackson, quand il fait avec John Landis, il était ce qu'il était comme personnage, mais il dit, moi je veux des morceaux musicaux et je veux des chorés, je veux des danseuses, je veux un chorégraphe, et il fait venir des gens de Broadway pour l'accompagner lui et faire un clip musical. C'est le premier. Il porte une imagerie, il amène un truc et... ce thriller, ce clip de thriller, c'est... Et puis la musique est tellement patatoire, quoi. Puis on le verra plus tard aussi dans Moonwalker ou... Non, mais ce clip... Tu l'as vu en salle, Moonwalker, toi ? Non, je suis dégoûté. Et moi, oui. J'ai vu le film parce qu'il passait sur Canal+, le truc complet avec tous ces... C'est génial. Nous, on a été voir en salle, Moonwalker. Et Smooth Criminal, un grand écran, c'est tu sa race. Et puis la pièce qui passe en l'air, qui retombe, c'est génial. Honnêtement, c'est pas un bon film, mais c'est des super clips que accumulés. Ah non, mais c'est des super moments. Ah ouais. Toute la Corée des morts-vivants, puis il y avait cette imagerie très, très nouvelle, à la fois horreur, mais aussi un peu rebelle, qu'il a repris dans Beat It après. Oui. Et il a gardé entre guillemets, ce grand cœur, et en même temps ce rebelle au grand cœur. Il a gardé tout le long de sa carrière. Oui, il a toujours cherché à pas être. C'est marrant, ça rejoint pas mal de trucs qu'on a déjà dit. Il a toujours cherché à être différent, à pas être pas au point que ça le rendait malade, mais ça c'est encore autre chose. Mais il a toujours cherché à être mieux, aller toujours plus loin, être mieux, à offrir un truc différent des autres. Parce que même quand il fait Bad à l'époque, c'est pareil. Bad, il le travaille de manière à ce que l'album soit différent, quoi. Ce qu'il fait à l'époque est différent de ce qu'on entendait partout, quoi. Quand t'as Quincy Jones son producteur aussi, ouais, mais tout le monde dit ça, mais Quincy Jones, il était juste capable de dire là t'as raison de le faire, tu vois, mais parce que les idées restaient quand même malgré tout, mon avis, de lui derrière. C'est la Corée. Putain, je suis en train de danser sur mon fauteuil comme un con. Je vous mettrai le clip, mais c'est obligé. Ah ouais. Regardez, c'est formidable. C'est pareil, donc, et puis c'est pareil, c'est Michael Jackson, avec sa maison de prod quand même à l'époque, et donc Quincy Jones, ils vont chercher John Landis, alors qui à l'époque, est-ce qu'il avait déjà fait le Loup-garou de Londres ? Parce que ça, c'est juste le détail dont je suis pas sûr. Alors, où allait ta filmo, monsieur ? Je t'avais mis de côté exprès pour ça. Loup-garou de Londres 81. C'est ça, il sortait juste de ça, qui avait plutôt bien cartonné, mais qui restait cantonné à un certain public. Avec ça, John Landis, derrière, il se fait offrir des ponts d'or. Il n'en fera pas grand-chose, honnêtement. Mais Il a fait pas mal de films musicaux, oui. Parce que quand tu joues en 80 les Blues Brothers, Ça, je te l'ai pas mis. Mais si tu me lances là-dessus, je te préviens, je m'arrête plus. Quelqu'un l'a déjà fait. Oui, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais les Blues Brothers... les Blues Brothers, non, quelqu'un l'a fait, c'est pas cool. Non, mais les Blues Brothers, mon Dieu, putain. Thriller. Thriller. Ouais, non, mais j'adore. Et puis visuellement, par contre, il y avait énormément de choses. John Landis traite son film un peu comme il avait fait le Loup-garou de Londres, mais comme on est sur de la pop, Michael Jackson ramène 2-3 teintes de couleurs et ça donne une signature assez mortelle, quoi. Et pendant 20 ans, les zombies n'auront que cette bête-là, d'ailleurs. Il faudra attendre le renouveau de la vague des zombies là, il y a quelques années, et des films comme 28 jours plus tard, ouais. Oui. Pour que vraiment on renouvelle l'esthétique des zombies. Hein. On passe du zombie aux infectés. Ouais, mais il y a aussi une esthétique graphique qui change. Au-delà du fait qu'il y en ait qui se mettent à courir, là ils dansaient de façon, c'est pas gênant. Oui. Et tout ça. Toutes ces acteurs et ces danseurs synchronisés comme ça, ça rajoute quelque chose quand même. T'as à la fois la performance, et que c'est pas juste des plans de 4-5 secondes qui sont coupés, c'est que le mec il danse vraiment. Ah mais ouais, mais... Puis il y a 2-3 plans de phases de danse qui durent bien 15-20 secondes et qui sont enchaînés. Tu sais bien qu'à l'époque il n'y a pas de numérique comme on a maintenant. Donc en vérité, il devait y avoir 3 caméras pour faire un ou deux shots, quoi. Donc ça devait être full cool. Moi je trouve qu'il y a aussi cette impression que Michael est là. Mais il laisse aussi de la place aux autres danseurs. Il fait partie de la groupe, il n'est pas juste là pour être mis en avant. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'était, il y arrivait bien à ça. Beaucoup plus d'ailleurs dans ses clips que sur scène. Pour l'avoir vu sur scène, c'était chiant comme la pluie. Mais chiant, c'était une horreur. Parce que il avait beaucoup plus de mal à retransmettre son truc. Il était tellement scripté sur scène que finalement, tout était scénographié. Il essayait de refaire le maximum son show et au final, c'était super décevant. On l'avait vu avec Laurent sur Dangerous Tour. Et c'était décevant. Alors qu'en clip, il a toujours eu une signature, un style, une façon de faire qui était... On a toujours réussi à être lui. Et ça, je trouve que c'est un... Surtout dans les années 90 avec Dangerous, il fait 90, ouais. Il fait quand même quelque chose de très très fort parce que il arrive à être lui sans tomber dans l'écueil de prendre ce qui existe et de rester et de défoncer tout le monde en vente parce que c'est Michael, quoi. Enfin voilà. On cherchait un des autres clips qui avait marqué lui. Bon, il y avait Bad, tout Black ça. Or White. Black or White, mais Say avec Paul McCartney. Ah, c'est ça, celui-là. On l'avait en 45 tours, celui-là. Mais c'est aussi ces clips de l'époque très construits avec l'histoire qui se passe dans le clip. Il y avait vraiment quelque chose. Ouais. Une tuerie. Say, c'était fun. Et puis à l'époque, Paul McCartney, t'avais l'air moins con. Hein. Je vais vraiment pas me faire des amis avec les Beatles ce soir. Non, mais on vous rappelle que le Twitter de l'invité, c'est Arnaud Doucet, @ArnaudDoucet. Donc pour les menaces de mort, vous y allez. Viens, mais viens. J'ai pas peur. Hein. King of Pop, ouais. Mais immortel. À lui, je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Ah non, mais c'est un pivot dans l'histoire de la musique, ça c'est clair et net. Mais je sais pas comment ça se fait. Un mec comme ça, une époque... Ce qui est intéressant, oui, surtout que Off The Wall, l'album d'avant, était bien. Il y a des jolies choses dessus, mais il n'y a pas ce truc qu'il y a dans Thriller, dans l'album et du coup dans le clip. Il n'y a pas cette dinguerie qui l'amène. Ces boucles là. J'ai l'impression qu'il y a à la fois ces boucles, mais aussi le rythme, je vais pas dire tribal, mais presque. C'est viscéral. Ça renvoie un peu à la ligne de rock, de Club of Two Death, ouais. Ou même dans ce qu'on avait derrière Cosmic Girl là, par moment. C'est marrant. Très, pas très original comme garçon. Ah, oh, on n'a pas le rire. Si, tu l'as, il est sous là. Si, il aurait déjà eu, sauf que là, c'était le générique. Ah mince. Et oui, parce que il fallait le rire, on l'a entendu. Et après, t'avais le générique qui finissait sur le plan de John Landis qui était maquillé, qui se retournait face caméra. Moi, je le connais. Ah, mince. Je le connais par cœur. C'est du cas. Oui. Pareil, époque, tu refaisais la Corée dans, dans la cour de récré. Mais c'est aussi pour ça que tu vois, je voulais le mettre celui-là parce que c'est vraiment la soirée, c'est vraiment la playlist du vieux con quand même parce que je me dis qu'il faut pour voir le clip, il faut se réimaginer. Comme je dis, hein, moi la première fois que moi qu'il a été montré en France, c'est au journal de 13h. C'est PPDA qui disait le clip machin bidule pour. Et c'était parce qu'il n'y avait pas de chaîne musicale, parce que. Enfin, c'était. Il y avait. Ça n'existait pas. La musique, comme la forme actuelle de promotion à base d'albums, de singles phares avec clip, musique, acteur, bidule, ça n'existait pas. Tout à l'heure, là, en t'attendant avant l'émission, je suis tombé sur, je sais plus quoi, une playlist. Les 10 morceaux qui, pour vous faire. Aider à garder le rythme ou je sais pas quoi et j'ai putain mais c'est à mourir de honte tellement c'est de la merde quoi. J'ai des noms d'artistes, je veux même pas les dire parce qu'ils ont pas à citer ici, mais tous ces gens là, toute cette logique là qu'il y a derrière ça, et ben il y a un moment on s'est dit hey, lui il a fait ça, on peut le faire pour tout le monde, et lui c'était Michael Jackson et voilà. Et c'est juste que ça me semble vache, ça me semble pas inutile de le rappeler. Il était là comme un autre King qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Ouais. Il a vraiment posé les bases de quelque chose. Et puis moi, une des anecdotes que j'aime le plus quand on connaît le personnage de Michael Jackson, c'est que l'actrice qui joue Ola Ray, elle avait été recrutée à partir de Playboy. Ça m'éclate beaucoup quand tu connais le bonhomme après et toutes les histoires qu'il y a autour de lui, ça me fait beaucoup rire. C'était une autre époque. Ouais, mais on est en Amérique. Eh oui, l'Amérique. L'Amérique, c'est toujours comme l'Amérique, ça. L'Amérique, tu veux la voir. 37. Je l'aurai. Pardon, c'est là que je la chante en plus. Rigueuse. Non. Aussi, je crois qu'on avait eu un titre de la honte extrêmement malhonnête comme ça de quelqu'un qui m'avait grugé à l'époque. Il dit, je te hais. Ah bah lui m'a battu. Hein. Ah, largement. Mais alors là, mais d'une force. Mais surtout, ta playlist est très, très, très cinéma. Ouais. Ah, c'est l'occasion de terminer avec du cinéma. Ouais. Avec du cinéma américain, mais compositeur italien, Ennio Morricone, dans, sur la BO de Il était une fois en Amérique, Amapola. Cinéphile, c'est légèrement, massivement. Que dire? Juste pour l'anecdote, c'est un film américano-italien. Hein, c'est une double prod. Il n'est pas que américain, mais ça c'est un détail. Tu peux pas voir ce film et ne pas en ressortir chamboulé, voire changé selon les gens. Après, c'est une question de personnalité. Mais c'est pareil, tu vois. Ce film est sorti. Enfin, il était déjà sorti largement, je ne l'ai pas vu en salle à l'époque. Je l'ai vu en VHS, après avoir découvert Il était une fois dans l'Ouest, et Il était une fois la Révolution. Je suis donc regardé Il était une fois en Amérique. Et je ne m'attendais pas à ça, mais alors tellement pas. Ni tout, la forme, l'histoire, la musique, tout m'a... Et pareil, j'ai acheté directement derrière le CD. Qui a été un des premiers CD qui a tourné non-stop pour m'endormir tous les soirs pendant tellement longtemps dans mon Discman. C'est beau, c'est... Alors là, on est tellement loin de tout ce qu'on vient d'écouter, dis donc. Parce que je m'aperçois... Ah non, c'est vrai, c'est du semi-symphonique, c'est une pure BO, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'interprète. Mais putain, comment c'est beau. C'est autant la force de l'évocation que la musique en elle-même, elle est... Ennio Morricone est... Alors qu'est-ce qui t'a fait connaître déjà Morricone? Charles Bronson. Oula. Il était une fois dans l'Ouest. Et dans l'ordre, le bon, la brute et le truand, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, et il était une fois en Amérique. C'est mon l'ordre de découverte des films. Tu peux pas... Je n'écoute... Et c'est pareil, le bon, la brute et le truand, j'ai acheté la BO, même pas j'avais... On avait acheté le 33 tours à l'époque. Il était de bon, la brute et le truand, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les CD. Et c'était le 33 tours du bon, la brute et le truand qu'on avait. Ça, j'aurais pu te la mettre aussi, celui-ci. La scène du cimetière. Ah oui, mais tu ne l'as pas mis, ouais. C'est dommage. Bon, je t'ai mis Amapola, première et deuxième partie en entier. Là, je me suis fait arnaquer, bien sûr. En plus, c'est le thème principal du film, Amapola, parce qu'il va être réutilisé comme ligne de fond... autant pour Noodles, le personnage principal joué par Robert De Niro, que par Elizabeth McGovern, qui joue l'autre personnage principal, l'autre personnage féminin qui est le pendant, qui est vachement important, qui est le pivot autour du trio. Je vais spoiler le film à mort, là. Qui est l'espèce de pivot autour duquel va tourner De Niro et James Wood, même si au début c'est pas clair et c'est pas évident, mais le double twist de ce film, putain, mais oh là là. Non, c'est un super film. La BO, elle est transcendante. Là, tu vois, je vois le plan où Noodles, c'est vieux, il retourne devant l'ancienne épicerie, il voit son vieux pote. Oh là là. Bon, tu vas m'en vouloir. Tu peux la couper s'il faut. Non, c'est pas ça. J'ai jamais vu le film. Je t'en veux pas. Juste, je sais quand est-ce que je te torturerai, c'est tout. Vous êtes en train de voir la police débarquer, ils viennent de me lancer le SWAT. Surtout en ce moment. Faut le voir. Parce que c'est pareil, on parlait... Alors, le film est moins une période charnière par rapport au cinéma, mais c'est tellement un beau film en soi. Et puis il change, c'est pas Scarface, c'est pas Le Parrain. L'histoire se déroule jusqu'aux années 80. Elle démarre dans les années 40, 50... C'est, le casting est génialissime, les De Niro Les De Niro et James Wood jeunes sont géniaux. C'est une superbe fresque. Enfin, de toute façon, faut putain honnête, Sergio Leone, c'était un réalisateur génialissime. Lui aussi, un mort beaucoup trop tôt. Il nous a laissé des films de fou pour révolutionner le cinéma. Un genre à lui tout seul. Il a défoncé le western. Ça, quand tu vois Impitoyable, Django, The Hateful Eight, tous ces trois-là, rien pour ne citer que ces trois-là, ils doivent tellement à Sergio Leone et au bon La Brute et le Truand. C'est fabuleux. Ah, non, c'est puis vraiment c'est puis c'est pareil, toute la BO elle est superbement construite. C'est Sergio Leone avec Ennio Morricone constituait un duo qui était vraiment étonnant. Surtout qu'apparemment ils avaient une méthode de travail qui était un poil bizarroïde, genre je te file le film qu'à la fin et puis tu composes après. Donc ou alors je te file des bouts de rush et puis tu te démerdes. Enfin je sais plus où j'avais lu ça, mais alors j'avais une méthode de travail qui était bien à eux, mais qui était super rodée. Et du coup, ils arrivaient toujours à anticiper l'un ou l'autre, arrivaient un peu à anticiper sur ce que préparait l'autre, et ça donne ces BO qui sont génialissimes, quoi. C'est du hautbois, quoi. C'est pas un instrument génialissime, ça. Mais ça, c'est beau. Moi, je me demande comment un mec, juste en composant, a réussi à nous graver comme ça des mélodies dans la tête. C'est ça aussi qui est génial. Dans la musique en général et particulièrement dans la musique de film, c'est quand elle est capable de... Bah, je crois que je l'ai suffisamment dit ou évoqué en parlant un peu tout le long de la playlist là. Des choses qui viennent te graver dans la tête et puis qui ont la force d'évocation à la fois de leur ancien du support d'origine, mais aussi qui ont toujours un impact chez toi, vers toi. Non, c'est génial. Enfin, c'est une super trompe. Enfin, c'est pas la BO d'Avatar, on l'a déjà oublié. Quoi, les choses? Non, mais tu vois, une autre BO moi qui m'a marqué, c'est Bradley Field Terminator 2. Dans le même état d'esprit, celle-ci est gravée dans ma mémoire. Et c'est. Mais pas pour les mêmes raisons. Alors, tu l'as vu quand ce film? VHS. Cinéma aussi? VHS. VHS. Et époque ouais. VHS. VHS. Quasiment tout Sergio Leone, c'est de la VHS. Je les ai eu un ou deux que j'ai revus en salle. J'ai revu L'était une fois la Révolution dans une nuit au cinéma en salle. Et j'aime tellement ce film. Voilà, mon rêve, c'est de revoir Le Bon, la Brute et le Truand en salle. Une nuit. Et Monsieur Brad, je vous nous écoutez, c'est le moment de le faire. Une nuit au max, la nuit du dollar. Moi, je prends Le Bon, la Brute et le Truand. Mais ce que tu veux après, je m'en fous. J'ai rien que pour ça, je te paye 3 places. Mais la nuit du dollar. Déjà que j'ai raté Blade Runner, là. Ah, tu oui, fallait qu'il soit. Ah, putain, ça m'a gavé. Pardon, mais là, on dérive. Ah non, mais les droits ciné sont morts. Mais là, on dérive beaucoup trop, là. Putain. Enfin, bon, non. Oui, mais attends, des États-Unis, Thriller, Michael Jackson, on arrive en Italie. C'est vrai que c'est normalement c'est l'inverse qui s'est d'ailleurs, passé. Il y a vraiment un génie dans cette BO. C'est des Italiens, c'est des Italo-Américains qui débarquent aux États-Unis exactement comme Le Parrain, comme les séquences de flashback du premier Parrain et du deuxième. Non, du premier Parrain, pardon. Non, du deuxième, ça, du Parrain 2, quand on voit l'enfance du père de Pacino. C'est exactement la même, ça départ sur la même logique, c'est un immigrant italo-américain et l'autre un immigrant juif. Et c'est vachement sympa comme démarrage. Il y a un truc là-dedans qui est super fort. Parce qu'il y a un rapport culturel alors que c'est absolument pas un américain qui écrit ce film. C'est vraiment un truc génialissime. Mais je reviens, époque VHS, gros consommateur de VHS. J'ai foncé des... Ta culture cinéma s'est faite comment? Cinéma, VHS, elle s'est faite d'abord... En VHS, enfin, elle s'est fait 50% en VHS et 50% en salle parce que nous emmener au cinéma était une bonne solution pour mon père pour éviter de se faire chier à avoir à s'occuper de nous. Pour faire simple. Voilà, c'est dit. Donc c'était quand même, on a quand même vu, je parlais de Moonwalker, on a vu Big en salle, on a vu Who's That Girl en salle, tu vois, c'est pas non plus que des chefs-d'œuvre. Mais Big, si, c'était classe en salle. Big, c'était trop classe. Avec, comment il s'appelle? Avec Tom Hanks, tellement jeune. Et mais c'est, enfin voilà. Mais non, non, c'était top, top, top. Et c'était. Mais donc voilà. Et puis alors après, les étés, avec, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec les cousins, où pareil, c'était plus simple de nous filer la carte du vidéoclub et de payer les vidéos pour qu'on s'occupe nous-mêmes et que des fois de faire autre chose. Voilà. Oui, mais ça vous a donné une super culture sur les films d'horreur. Et ça, c'est bien. Ouais. Bah pour info, le Tommy Daewoo, on l'a vu en VHS avec Laurent. On a vu les Woo, on connaissait le groupe, on a fait tiens, on va regarder le film, hein, ça peut être sympa. Hein. En VHS, on était coincé dans un hôtel en Alsace, à Münster. On devait faire de la rando, il y a un temps dégueulasse, on ne pouvait même pas aller se promener dehors. Et du coup, on avait la salle du vidéo de l'hôtel pour nous. Puisqu'à l'époque, dans les hôtels, il y avait une salle vidéo, les gens, il n'y avait pas la télé partout dans toutes les chambres. On a mis The Woo, et on a mis donc Tommy. Et on est resté, en plus c'est super long, c'est 2 heures je crois. 2 heures complètement hallucinées devant ce film. Et devant les musiques des Who, complètement fascinées quoi. Enfin voilà, tu vois, c'est ça la culture, entre guillemets. C'est aussi ça les souvenirs. Ouais. Oui, c'est ça les souvenirs. Mais la musique là, c'est vraiment la musique qui a amené au film. Alors que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans ma playlist où c'est plutôt les images qui ont amené à la musique. J'ai dit, on est marrant, je suis pas très musique, je suis pas... Avec Laurent, ça va être plus musical. Même si je suis sûr qu'il se crétin a fait un axe particulier à lui. Oui, c'est ce qui m'inquiète. Mais ça, on verra. Ouais. Bon, tu nous as partagé ton goût musical de qualité pendant ces quelques minutes. Que dis-je, quelques minutes? Déjà 1h50. Merde. Mais, c'est le moment spécial de l'émission. C'est le moment de la honte. Et comme le veut la tradition, c'est toi qui vas avoir la honte. Donc, ouais. Comment dire? C'est toi qui vas me donner l'artiste et le titre. Alors, je commence par le titre. It's a Raining Man. Alors attention, parce que il y a l'intro, hein. Faut que Ouais, vas-y, mais. Alors, c'est en temps de partir, bien sûr. Parce que c'est pas la version qu'on s'attend. Non, c'est pas la version du film. C'est la version de Jerry Halliwell, l'ancienne Spice Girl. Dieu. Oui. Mais t'avais du goût pourtant. Pas que. Mais pourquoi? Mais parce que j'adore cette chanson, c'est tout. Alors là, pour le coup, la chanson m'éclate et je trouve... Je connaissais déjà l'original, j'avais vu le film en VHS. J'adore. En plus, elle, comme dans le clip de Jerry Lewis, elle reprend exactement la séquence du film. Enfin, au moins pour le début. Après, ça change beaucoup. Non, mais cette musique, c'est vrai. C'est pareil, t'entends ça, tu bouges, quoi. T'es obligé. Tu es quelqu'un qui bouge, mais qui assume aussi. Ouais. Puis elle est super mimi, Jerry Lewis, là-dedans. In your own time. Oh mon dieu. Mais comment tu l'as connue celle-là? C'était vraiment Époque Spice Girl ou c'est vraiment la chanson qui est d'origine qui t'a fait kiffer à l'origine? Alors, comment j'ai connu cette chanson? Eh bien, je cherchais l'original pour faire une illustration sonore de je ne sais plus quoi. Un truc à la con que je voulais. Je devais faire un montage à la con pour un client. Et j'ai trouvé cette version-là et je l'ai tellement trouvé mieux que j'ai mis celle-ci et que c'était très bien et que ça passait super bien. Et voilà, et donc du coup, elle m'est restée, mais dans la tête, et à l'époque, je bossais avec un développeur à côté de moi qui bossait sur d'autres projets. Et au moment où je mets ça, il me fait « Ah, mais c'est la version de Jerry Halliwell !» Je fais « Bah, tu connais ?» Il fait « Ah ouais, j'adore !» Et donc, il y avait des sessions où on finissait tard, où on se mettait cette chanson en boucle pendant un quart d'heure, rien que pour se redonner la patate, quoi. Donc voilà. Voilà comment... Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'elle est super classe. Enfin, elle est super vivante, quoi. C'est super sympa. Même après, avec son passif de Spice Girls, qui n'était pas non plus le truc le plus musical au monde. Oh là, ouais, leur chanson la plus connue, là. Oh là, ouais. Eh, hey, dis pas que c'est pas rigolo, ça met de bonne humeur. Bien sûr que c'est pas des cheveux, mais c'est des chansons qui te mettent de bonne humeur. Et puis, faut pas déconner. C'est l'autre fonction de la chanson. Ouais. Et puis, on peut dire ce qu'on veut des Spice Girls, mais le girl power qu'elles ont amené, c'était bien aussi, hein. Hein de nos jours. Je sais pas si ça donnait que des choses bien. Si tu pars en musique, non, je suis sûr que non. Sur le fond, c'était une bonne idée de montrer que... Ça aurait peut-être le coup si je voyais des choses qui pourraient être reprises de nos jours pour simplement rappeler que plein de choses peuvent être faites sans aucune différence de sexe. Quoi. Enfin, ce qui est quand même inquiétant, c'est que ça a été plus repris comme argument marketing que, je pense, à un vrai mouvement. Et... Là, il y a un truc en ce moment qui se... Alors attention, ellipse de ouf, enfin, jump de ouf. Je sais pas si en ce moment tu suis un petit peu la série Supergirl avec Melissa Benoist. Ah, absolument pas. Voilà. Eh bien, Melissa Benoist aux États-Unis est devenue une icône. Mais vraiment une icône. Elle fait des. Elle va dans les hôpitaux avec son costume, elle va voir les enfants malades, elle va voir les enfants dans les écoles maternelles. Parce que du coup, elle est devenue une espèce d'icône de fille dynamique, forte, engagée, qui a un vrai travail, mais qui est aussi une super héroïne, machin. Elle pose une icône de femme et de fille qui est super valorisante. Et elle l'assume, l'actrice en plus l'assume super bien, et la série le fait super gaffe à ça. Et j'espère vraiment que la série va vraiment exploser aussi en Europe pour le coup. Parce qu'il y a un truc derrière qui pourrait être vraiment super fort. Tu vois, et si l'actrice arrive à jouer le jeu, et si la chaîne fait pas, et la production font pas de la merde, ça pourrait être vraiment un beau vecteur de. Et c'est vrai que moi ça me touche encore plus, puisque j'ai une fille qui a un âge, qui est en âge de regarder la série. Et c'est vrai que moi ça me touche vraiment, parce que je me dis ça, tu vois, c'est un bon modèle. Et à l'époque, les Spice Girls, elles faisaient ce... Alors, au début, s'entend. Tu vois, j'aurais pas... je préférerais encore que ma fille s'intéresse à un truc comme les Spice Girls ou Supergirl qu'à cette merde de Chica Vampiro. Si tu connais pas, ne va pas le voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu veux pas savoir ce que c'est. Tu veux pas savoir ce que c'est. C'est un telenovelas avec des acteurs live, donc, basé sur, sur une espèce d'adaptation pour avant telenovelas de Twilight. Oh, mais ça a l'air trop bien. Ah non, mais c'est... Sur Gulli. Ça passe sur Gulli. C'est, oh, merde. C'est une merde. Mais une merde. Enfin, bon, passons. Tu vois, et voilà. Et ça, je trouve ça déplorable. C'est nullissime. Et voilà. Et tu vois, c'est pour ça. On peut dire ce qu'on veut des Spice Girls. Certes, c'était pas de la grande musique, mais elles ont quand même réussi à générer derrière un truc qui, au final, on va finir par regarder plus facilement le girl power qu'elles ont généré que toute la partie marketing. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ces deux sorties à peu près conjointes avec un autre personnage féminin devenu récemment mythique, prêté par Daisy Ridley. Daisy Ridley ? Daisy Ridley, de Rey dans Star Wars. Oui, oui, oui. Ah, Rey. Rey. Et puis moi, je suis puis celle, à nouveau un personnage féminin central pour Rogue One. C'est pareil, moi j'aime bien ça, moi ça me parle bien, ça, moi, je suis preneur. Hein. Ouais. On en prenait avant, c'est Furiosa. Ouais, ouais. Autant j'ai emmené voir ma fille voir Star Wars et Rey, elle est grande fan, autant pour l'instant elle a pas juste pour Furiosa. J'espère qu'elle aura jamais besoin de prothèses pour les bras et tout, mais. Non, mais oui. C'est métal, c'est vrai classe, qu'il y a des choses là-dedans qui bougent, même si je trouve que ça bouge beaucoup en média, et qu'au final ça a plutôt tendance à crisper dans la société. Mais ça, c'est une analyse un peu perso qui est peut-être pas très juste. Hein. Je n'ai que mon bout de la lorgnette là-dessus. Donc voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se lancer, ça c'est super intéressant. Mais oui, je trouve qu'il y a ce qu'il faut, entre, comme je disais, entre Rey, entre Supergirl, même entre Ali Hathaway qui fait Legend Carter. Il y a des trucs. Oui, c'était super. Parce que Legend Carter, surtout la première saison, était bien séco sur la position de la femme et il y avait plein de. C'était très malin et. Enfin voilà, c'est. J'espère que tout ça va exploser que. Enfin voilà. Il va exploser, il va vraiment amener un vrai regard de fond là-dessus. Parce que, comme je dis, moi je trouve qu'on est plutôt dans une cristallisation des positions et pas du tout positive que dans une évolution positive. Putain, c'est vraiment c'est la playlist du vieux con là. Ah, tu pourrais l'appeler comme ça hein, si tu veux. Ah, mais c'est tu donnes mon aval. Hein. Non, ça s'appellera la playlist d'Arnaud Doucet comme tous les autres, mais il y aura un sous-titre, la playlist du vieux con 1. Enfin voilà. Ouais, non, et donc j'ai pas de honte parce que je trouve que l'interprétation et puis la chanson sont fun. Puis c'est marrant, ça retombe encore sur un truc qui est d'une sortie d'une musique de film. C'était Flashdance. Oui, qui était Flashdance. Et fan de Flashdance, non, c'est. Non, juste de la BO. Alors là, juste le coup de la BO parce que c'est pareil, ça me fait. J'adore, ça, il y a 3-4 morceaux là-dedans qui me font vraiment qui bougent, qui sont vraiment sympas pour t'amuser, pour t'éclater. Avec 2-3 bières et une bonne ambiance, un bon barbecue de côté, tu peux bien t'amuser avec ce genre de musique. J'ai eu très peur que tu me dises que tu sois fan de ce film, parce que s'il y avait eu un autre film de danse avec un certain Patrick Swayze, je pense que tu aurais eu beaucoup, beaucoup d'amis. Dirty Dancing. Mais alors là... allez. J'ai hâte d'avoir... On est plus à ça près. La playlist de cette personne. Juste pour voir s'il y a vraiment à mettre de Dirty Dancing. Allez, s'il n'y a pas Dirty Dancing, même moi, je fais un scandale. De honte. J'attends de la voir. Et il faut Dirty Dancing, parce que merde, c'est trop fort ce film. Puis on laisse pas bébé dans un coin. Non, faut pas le dire. Ah mais non, mais c'est moi, mais tu vois, VHS, Dirty Dancing, pareil, j'adore ce film, moi il m'éclate, il me met de bonne humeur. Il est con comme la lune, hein, mais il me met de bonne humeur. C'est quasiment 2 heures, on a terminé la playlist. Alors dis-moi, je veux absolument savoir le processus de réflexion autour de la playlist. Est-ce que ça a été une torture ou une joie? Ah, ça a été compliqué. Mais c'était une super joie, compliquée. Alors, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît, parce que je me nourris de cette souffrance. Et ben, tu vas te nourrir de cette souffrance et tu vas bien t'en nourrir parce que quand t'es sorti le premier épisode avec Capo, je crois que c'est Apo qui a ouvert le bal. Ouais. Pas du tout. Non. Non. C'est qui a commencé? C'était Fox. Fox, pardon, oui. Quand Fox a ouvert le bal, j'ai fait oh c'est rigolo, j'ai écouté Fox. Après, je sais pas pourquoi j'ai écouté celle d'Apo, alors que j'en ai peut-être sauté une entre deux, et je me suis dit, mais il est trop fort ce Barberousse, c'est une super bonne idée. Ça, c'est un super podcast. Puis je me suis dit, et puis moi. Il est tellement corporate, il est trop fort ce mec. Mais non, mais sans déconner, je te l'ai même tweeté directement. Je te l'ai dit, putain, mais ça, c'est une super bonne idée que t'as eue, c'est trop classe, il faut que je te fasse une liste. Et puis après, j'ai commencé à faire ma liste et j'ai fait, mais putain, merde quoi. Et puis les autres épisodes ont commencé à sortir. Je fais merde, elle a pris les Blues Brothers. Bon, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent en Garfunkel, j'en ai rien à foutre. Et puis finalement, si, je me suis dit si, bah, je vais prendre celle qui vraiment à chaque fois me parle à moi. Et puis bah, voilà. Et puis du coup, j'ai constitué, je t'ai fait quand même fait le coup de non, finalement, mais pas celle-là, oui, mais celle-là. Bien sûr, j'ai quand oui, même fait faire un aller-retour dans la liste. Oui, parce que j'avais mis du Sting et je l'ai putain, enlevé. 38. Parce... Hey, j'ai pas dit lequel parce que c'était celui Stevie Wonder qui est génial et non mais parce que tout le monde t'en avais déjà deux qu'on avait parlé et c'est comme les Blues Brothers, c'est des choses, bon, je vais pas revenir dessus, c'est des trucs que j'adore et qui sont génialissimes, écoutez les gens, ça vous fera du bien, voilà. Bon alors. Et donc oui, ça a été compliqué parce que j'essaye, je sais pas si ça se ressent, mais j'ai essayé d'être le plus entre guillemets c'est pas honnête le mot, mais de mettre vraiment des trucs qui me parlent et que j'avais envie de faire découvrir, même si c'était connu, mais de les faire découvrir sous un autre angle, ou avec un autre regard. Enfin, voilà, j'avais envie de montrer, bien joué, c'est alors il est tard, hein. Il est tard. De parler de choses et de la manière dont moi je les ressens pour essayer d'amener les gens peut-être à un autre regard sur les trucs. Enfin voilà, quoi. De toute façon, c'est ce que j'aime globalement, quitte à faire des trucs, autant les faire partager et essayer de faire aimer, quoi. Enfin, voilà, donc c'était et ça mon axe. On a parlé des playlists qui ont déjà été diffusées, il est tard. Vous avez toujours le canal Twitter, parce qu'on peut te retrouver sur Twitter. Eh oui, moi je suis sur Twitter à @ArnaudDoucet, ArnaudDoucet. Tu fais plein de choses aussi, avec du son, avec des gens aussi. Moi je fais un podcast qui s'appelle Le Broclash, avec Laurent Doucet. Mon frère donc, qui est un podcast dès qu'on peut, et on essaie de tenir une fois par mois, mais là c'était une fois tous les 3 mois. Oui, on sera plus régulier cette saison, ça va être tous les mois, on va se forcer. J'ai eu tellement de changements dans mes boulots que ça a été trop compliqué. C'est de ma faute, là honnêtement, là ce coup-là c'est vraiment de ma faute, moi j'ai complètement changé, j'ai un gros boulot, plein de boulots super intéressants, et du coup j'ai plus le temps de faire autre chose. Et donc voilà, donc je fais ce podcast où l'idée est de s'affronter gentiment ou véhément, des fois, autour d'un objet culturel. Donc voilà. Et toi, tu fais quoi, Barbichou? Barberousse, déjà. Sinon, je vous claque. Et alors, le Broclash, on trouve ça où? Alors, c'est The Broclash, thebroclash.fr. Et sinon, le Twitter, pareil, thebroclash. Faut voter au Broclash, on vous demande juste d'aller voter pour moi ou pour Laurent et de dire lequel vous a convaincu, parce que celui qui gagne, c'est celui qui choisit l'enjeu du suivant. Donc le dernier épisode 26, il parle de quoi? The Dark Knight Returns, les deux runs de Frank Miller, pas le troisième parce qu'il n'est pas officiellement traduit en entier, les deux runs de Frank Miller sur Batman qui s'appellent donc Batman The Return, les trois premiers tomes, et s'appelle Batman La Relève. Et voilà, et on s'affronte autour de ça, et on est pour le coup pas du tout d'accord, et l'axe sur lequel on n'est pas d'accord est vraiment... Là, on n'est vraiment, vraiment pas d'accord, parce que Laurent n'aime vraiment pas une partie du Dark Knight, et moi, je pense que c'est un ensemble plus qu'intéressant. Enfin voilà, allez écouter, Faites-vous votre opinion et allez voter. Oui. Alors moi, je trouve qu'il y a quand même un petit penchant pour plus pour Arnaud dans les épisodes que Laurent. Tu as à peu près les statistiques de qui a le plus gagné ? On refuse de faire des statistiques de victoire. Non, honnêtement, non. Faudrait, on se dit un jour on va les faire, mais pour l'instant on les a toujours pas faites. On pourrait, hein, on a les votes, on a tout qui est en stock, mais on les a pas encore faites. Oh, c'était juste par curiosité, c'est tout, c'est pas grave. Bah pour, tu sais, même notre audience, on a du mal à l'évaluer, donc. Non, vous pouvez retrouver la playlist sur la-playlist.podcloud.fr, un petit site qui est bien, où il y a juste tout le truc, ce qu'il faut dessus. Sinon, vous pouvez nous retrouver ici sur Twitter, @la_playlist. Vous pouvez aussi retrouver la playlist de Arnaud que je vais mettre sur le compte Spotify de la playlist. Je vous mettrai le lien qui va bien. Malheureusement, j'ai pas toutes les bonnes versions, etc. Donc bon, on fait avec ce qu'il y a, les ayants droit, tout ça. Je peux même pas faire de playlist sur YouTube d'ailleurs, vu qu'il en manque. Vu que la version des Who que tu voulais, ouais, elle a disparu bloquée. Depuis. A pu. Ça fait chier. Mais depuis, pour l'anecdote, hein, ça, je sais pourquoi. Les experts ont tellement recoté les Who que y a une question de droit qui s'est posée sur certains titres. Voilà. Ah la vache. Et ouais. Ah oui, quand même. Pognon. Dernière question. Question subsidiaire. Écoute. Tu fais penser à quoi ça ? I'm a legal alien, I'm a un des meilleurs titres de Sting. Je parle du Whoop. D'un album qui était génial. Whoop. Dans lequel il y avait Rushian aussi. Ça te fait penser à quoi le Whoop ? Whoop ? Je me suis jamais posé la question. Mais. Ah, moi j'aurais dit. Moi si ! Un truc d'essuie-glace. Si. Toi c'est un bruit d'essuie-glace. Ouais. Pour moi ce sera ta dernière phrase de la playlist. C'était merci donc un bruit d'essuie-glace. C'est donc un bruit d'essuie-glace. Merci à toi, en cette heure tardive, d'avoir resté aussi longtemps malgré les petits incidents techniques. Il n'y a pas de podcast sans incident. C'est pas vrai, mais il y a des podcasts sans péremptoire. Bisous Pirouchou, d'ailleurs. Bisous Pirouchou. Il n'a pas encore fait de playlist, mais il finira par venir. On l'aura un jour. Peut-être. Qui sait ouais. Moi, je vous dis salut la prochaine fois. Je ne sais pas encore quand je vais enregistrer la prochaine ou avec qui, mais je sais qu'il y aura le frangin, un moment ou un autre. Bonne soirée à tous, et puis à la prochaine playlist. Ciao, ciao. Peut-être.